Moteur. On y va. Moteur, action. Ah, ça va aussi. Allez. Bonjour à tous et bienvenue pour cette deuxième des émissions avec ma très belle voix rauque et totalement de lendemain de soirée. Donc je m'appelle Antoine, je suis enchanté et derrière il y a Alexis qui est en train déjà de vomir, mais ton corps est... Oh là, je suis oublié. Ah oui, c'était toi. Voilà, c'était la fin de la deuxième des émissions, merci à tous d'avoir écouté. À plus. Voilà, donc déjà je veux remercier tous ceux qui ont eu le courage... Je peux parler ou... Vas-y. Aucun leadership. Ouais, non, j'ai un leadership très intéressant, vas-y, continue. Je sais pas plus. Je voulais quand même remercier tous ceux qui avaient écouté la première des émissions parce que vous étiez plus de 8000 et ça fait. Non, c'est... Quoi ? Vous étiez 200, mais ça fait rire quand même. Quand même. Donc 100 fois ma mère quand même qui a relancé, je l'ai actualisé. Donc pour cette deuxième émission, exceptionnellement, il n'y aura pas 3 candidats mais 6 candidats répartis en 3 équipes. Il y a donc Adélaïde, première dauphine de Miss Ney 2016. Bonjour Adélaïde. Salut Adélaïde. Bonjour. Dis bonjour Adélaïde. Bonjour Adélaïde. Oh putain. On a Alexis, homme longiligne. Bonjour Alexis. Merci beaucoup. C'est homme bourré aussi. Oh, ouais, surtout homme bourré. Ouais. Grand fan de la percée du vin jaune, Alexis. Aurélien, pourfendeur. Bonjour. Je trouve que pourfendeur c'était très bien. Je sais pas. Est-ce que je tue les gens ? Bah, t'es un pourfendeur de choses, mais je trouve que ça va bien comme terme. Il y a Clément, bobo gosse. Ça va bien ? Il est vrai, ça. Parce que t'es bobo et t'es un beau gosse, tu vois. Mais j'avais compris, merci. Là, par contre, tu vois. On a Bilal, vainqueur de la première des émissions, je ne ferai pas de blague raciste sur lui aujourd'hui. Salut Bilal, ça va, merci. Ah, il avait gagné la première. Il a gagné la première, c'est The Man to Kill. Sans déconner. Oui, c'est vrai. Il faut toujours prendre notre souvenir. Et il y a Marilou, donc Miss Ney 2016, voilà. Elle avait totalement du nerf. Oui, je ne l'attendais pas du tout. Elle était tellement belle. Pourquoi il y a un truc qui a été fermé ? Bah, regarde. Non, mais Marilou, je vois. Oh, merci. Mais reculez un peu parce que j'avais touché le micro, ça fait un peu là-bas. Ouais, c'est vrai, un peu là-bas. Ok. On est donc le cadeau, le cadeau, parce que Biel, la semaine dernière, avait quand même, le mois dernier, avait quand même gagné une semaine en Syrie. Je sais pas si t'as déjà profité de ton offre. Ouais, parce que je me suis bien éclaté. Il est revenu bronzé en tout cas. Ouais, je me suis fait des bombes. Bon, allez. Donc le cadeau, vous pouvez gagner la liste des personnes qui seront décédées en 2016. Comme ça, vous pourrez sympathiser avec elles et passer dans les médias à leur mort en disant que c'était quelqu'un de très bien, professionnel. De Antoine, très... voilà. Si tu as vraiment fait cette c'est liste. Un gros rage kit. Non, j'ai pas fait la liste, non. Ah d'accord, non mais... Non, parce qu'après ça porte malheur. Ça pourrait être un très bon quiz. Un petit fichier Excel. Trouver qui va être mort et puis dans un an. Ouais. Un petit pronostic peut-être pour 2016, là, qui est chaud, qui est pas chaud. Michel Delpech. Ah, pas mal, oui, merci. Ou Paul Naré. Polnareff, ce serait triste. Si j'en avais un, mais je sais plus qui c'est qui va crever là. J'ai dit, je t'avais dit, il va crever. Mais tu dis ça à tout le monde. Je pense que c'était le voisin. Ça devait être un mec que t'as croisé dans la rue, qui a... genre Camille. Le mec qui lui a pas dit bonjour, comme il s'est voilà, ça. C'est ça. Le mec il lui a éternué dessus. Mais... Non, c'est bien. Non, bravo. Donc les règles du jeu, pour rappel, donc il y a 5 phases, le début, la suite, le milieu, la presque fin et la fin. Une bonne réponse, 1 point. Et pour savoir les équipes, bien sûr, la première personne qui m'insulte aura le droit de choisir son coéquipier. Connard. Bravo Marilou. Putain, choisis ton coéquipier donc. C'est fou cette capacité que j'ai à t'insulter très rapidement. Bah non, mais oui, mais je sais même pas si t'avais entendu et ce que tu disais. Frappé, non, non. On peut se mettre. Ah, mais oui, tu peux te mettre. Ah, bah je me mets avec Adélaïde. Très bien. Et tu choisis. Tu choisis le capitaine de la deuxième équipe aussi. Le capitaine. Tu choisiras ton coéquipier. Alexis, si t'es en capacité de dire quelque chose, est-ce que tu peux choisir ton coéquipier ? Bah je vais choisir. C'est mieux si on est à côté, Aurélien. Non, c'est ce que je vois pas, moi. Et bah. Bah si, Aurélien. Ouais. Tant il pis, t'as pas le droit de te finir. Non, bah très bien. On est ensemble. Et Clément. Je suis très content. C'est vrai, mais... ouais. C'est le vainqueur de la première des émissions, tu peux pas. 15 ans à 20 ans. Ouais. Allez, je m'en branle. Alors, le début, donc c'est 12 questions. Non, mais on va les niquer, t'inquiète pas. Donc il y a 12 thèmes. Vous devez me dire un chiffre. Vous... Pardon. Vous devez me dire un chiffre entre 1 et 12. Ouais. Chaque chiffre est associé à un thème. Et ensuite, il y a une question par rapport à l'actualité de ce thème. Putain, je... Ok. Quelqu'un qui a écouté là. J'ai rien compris. Faut juste dire un chiffre. Dis un chiffre entre 1 et 12. D'accord. Voilà. Ah, c'est marrant parce qu'en fait, c'est trop drôle. C'est Marilou qui commence puisque c'est la première équipe. Ouais. 9. 9. Ok. Je le sens bien. 9 de passe. 9. Oh putain. Oh, sans déconner. Oh. Je t'admire beaucoup. Même bourré, j'aurais pas osé. Technologie. Oh, mademoiselle. Ah, c'est tout à fait nous, ça. C'est bien. Le 12 janvier, un site américain a annoncé que l'iPhone 7 devrait être dépourvu de prise jack, laissant place au casque sans fil. Ok. Oui. En 1998, quel accessoire Apple avait-il retiré de son iMac, contribuant fortement à sa disparition ? En quelle année ? En 98. Ah, c'est l'accessoire qui a disparu après ? Oui, ils ont enlevé de leur iMac et du coup, ça a fortement accéléré la disparition de cet accessoire. L'écran. C'est quoi ça ? On peut répondre à les disquettes. Bah, vous dites une... Oui, un truc... Mais disquette, en 98, il y avait... Oui, déjà ? Un lecteur de disquette ? Mais c'est une très bonne réponse ! Oh ! Bien joué. Bah, moi non plus. Bravo. Ensuite, en plus, c'est à Alexis Aurélien. Oui, c'est toi le capitaine. Okay. Vas-y, dis-moi. Bah, dis-moi un chiffre entre 1 et 12. Ça va 12. Ah, oh, très bien, Alexis. C'est le premier coup, quel coup. Tes capacités sont vraiment... Culture. Tu attends avant de répondre. Oh, putain. Ah. Le 21 janvier, la programmation du 40e Printemps de Bourges a été dévoilée. Dans quelle ville se déroule le Printemps de Bourges? Si tu sais répondre, je peux pas dire une chose. Il y a peut-être un piège. Bourges. Très bonne réponse. Oh non, c'est pas vrai. Quelle culture, je suis impressionné vraiment là. Moi aussi. Enfin, j'ai l'odeur. À vous deux, du coup. L'odeur de moi. Oui, ton haleine. Oui, bah, je suis désolé. Mais reprends une bière. Prends une petite bière. Woody Allen. Oh non. C'est Villel, hein, c'est pas moi. J'ai rien dit. Si, vas-y. Il l'a pas du tout assumé, la bière. Tu devrais assumer, Villel. Un chiffre entre 1 et 12. Vas-y. Oh, je pense qu'on va partir sur 7. Hein. Allez. On va partir sur 7. Et on partira du 7. International. Le 24 janvier, le Qatar a annoncé avoir eu 3 millions de visiteurs en 2015. Un nombre supérieur à la population du pays. Wow. Quelle est la capitale du Qatar ? Vas-y. Doha. Bonne réponse. Wow. Oh là là. Des crunchs ? Ouais. À la première des émissions. Ouais, mais j'aime bien. J'aime pas trop. Là. En même temps, sa famille est là-bas. C'est. Non, mais quand je faisais des blagues racistes, on les assume. Parce qu'il m'a regardé en disant non, on fait pas de blagues. Mais il m'a pas entendu quand je l'ai faite, donc c'est parfait. Voilà. C'est dingue. À vous les filles du coup. Ah, vas-y. La team raciste. 4. Bah oui, puisqu'il y a 12 questions, donc vous en avez 4 chacun. 4. Oui. Puisqu'il y a 3 équipes, 4 x 3, 12. 4. Non, c'est mon chiffre. D'accord. 4. Il est dingue. Ton choix. Le 11 janvier, François Hollande a demandé d'étudier un allongement de la journée défense et citoyenneté. Ok. Ah bon oui. Non, mais... Quel président a mis en place cette journée, supprimant ainsi le service militaire ? C'est Chirac, non ? Bah. Ah non, c'est avant. Non, c'est avant, c'est Mitterrand qui a envie. C'est Chirac pas. Qui a envie. Je sais pas. Lui, il est trop. Moi, j'aurais dit Mitterrand parce que c'est un bonhomme de gauche. Ouais. Chirac, c'est un bonhomme de gauche. C'est. Je sais pas. Réponds. Entre les lui, deux. C'est toi la capitaine. C'est toi la capitaine. Bah, non, je suis pas capitaine. Bah si, bah, tu m'as insulté de connard. Ah oui, c'est vrai. Ouais, j'étais parti sur ça. Non, je sais pas. On était nés. Ah, on était peut-être nés, hein. Mais on s'en fout. T'es né sous Mitterrand, hein, je te dis. Je suis né sous Mitterrand, ah, ouais, c'est vrai. Bon alors, vas-y. C'est Chirac. C'est une bonne réponse. Né sous Mitterrand. Ça te fait quelque chose. Bah ouais, je vois jamais. Ouais, moi non plus. Né sous Mitterrand. Ouais, moi aussi. Moi, je m'en fous, c'est fou. C'est à vous. Je dis un chiffre cette fois. Vas-y. 1. Waouh. Ouais. Science. Le 15 janvier, la Chine a annoncé le lancement d'une mission visant à se poser sur la face cachée de la Lune. Peut-être. Dans le film Iron Sky, que découvre-t-on sur la face cachée de la Lune à l'occasion d'une mission américaine ? Bah, je sais, toi ? Bah non, je suis. Bah c'est cool, t'as bien fait de te mettre avec moi. Des nazis. Très bien. Oh l'enthousiasme. C'est des nazis. C'est des nazis. Très bonne réponse. Qui se trouve sur la face cachée de la Lune. Ah oui. Dans le film. C'est les nazis en fait qui préparent leur retour. Et dans le 2, ils arrivent sur des Iron Sky. Ouais, il paraît. Ils sortent bientôt d'ailleurs, je crois. Je l'ai vu, c'est un peu à chier quand même. Ça chie. Ouais, mais c'est ça drôle, se prend pas au sérieux quoi. C'est à vous, Bilal et Clément. Je me rappelle plus tout ce qu'on a dit donc. Bah, dites un chiffre. Allez, 8. Non, voilà, vous l'avez pas dit. Fait divers. Le 29 janvier, le magazine Autoplus. C'est bon. Le 29 janvier, le magazine Autoplus révèle que la Smart for Two a été la voiture la plus volée en France en 2015. D'accord. Non. Point. Il y a toutes les questions qui font. Non. N'est-ce pas, Bilal ? Sous l'impulsion de quelle entreprise d'horlogerie D'horlogerie. Ouais. C'est pour faire des horloges. Sous l'impulsion de quelle entreprise d'horloge... Oh merde. D'horloge. La Smart a-t-elle été lancée en collaboration avec Mercedes ? Je crois que ça fait, tu vois, bien dynamique. Tu vois, comme comme une Swatch et une Smart, ça, ça semble presque pareil, tu vois. Mais ouais, ça peut être ça. Ouais. On fait ça, vas-y. Swatch. Très bonne réponse. Allez. Oh, mais il y a un level aujourd'hui. Putain, à la première des émissions, vous avez toujours pas marqué de points au bout de 10 questions, et puis là, bah, toutes les équipes ont 2 points du coup. Je pense que je vais faire une petite sieste parce que c'est côté bidon. Hein. Bien élément, hein. Ouais, là, il a gagné la première des émissions, ouais, c'était en 10 titres. Ah, bien, c'est côté bidon. Il me regarde, oui. On se moquait là. Marie-Lou Adelaide. Le 2. Le 2. Le 2. Société. T'as un mouchoir, Aurélien, s'il te plaît ? Non. Société. Non. Ils sont dans ma poche de veste. Qui est... Pas de blague sur le fromage, très bien. Si, ça, mais j'aime pas le fromage. On a déjà fait la dernière fois, on va pas faire les mêmes vannes à chaque émission. Mais j'avais pas pu dire que j'aimais pas trop. Le 26 janvier. Faudrait que ça tombe sur toi, ça, putain. Ah. Anne Hidalgo a affirmé que d'ici la fin de l'année, la moitié des rues de Paris seraient limitées à 30 km/h. Oui. Quelle grande agglomération française a limité à cette vitesse la totalité de ses routes au 1er janvier ? Grenoble. Bonne réponse. Bien joué, bravo. C'est le moment le moins fun de la... Ouais, ouais. Du coup, là bah, c'est l'écologie, tout ça, c'est Grenoble, chiant. Moi, je trouve pas... C'est marrant, les nazis sur la Lune, hein ? Grenoble, c'est pas fun comme nom. Non, c'est vrai que... C'est... Alors, dis-nous pourquoi, qu'est-ce qui est jeune ? Bourges, c'est drôle. Bourges, voilà. Ouais, ça ressemble d'accord à couille. Voilà, voilà, merci. Bourges, ça ressemble à couille. Non. Non, ça ressemble mais non à... C'est toujours tout... À Burne. Bourges, ouais, c'est ça. Non, mais arrête. Ouais, c'est un synonyme. Non, mais j'essaie de trouver son raisonnement. Je dis pas que je suis d'accord avec. Pas demander tout ça à moi. C'est à vous deux. Oui, 5. 5. Très bien, Alexis. C'est de la merde. Tu te rappelles ce que tu fais, là ? Oui, c'est bon, t'es conscient. Oui, c'est bon. Donne les chiffres, moi, je réponds. Insolite. Ah. Lol. Le 30 janvier, un habitant du nord de la France s'est rendu compte qu'il payait les impôts locaux de son voisin depuis 17 ans. Oui. Gros débile. Alors, c'est juste plus ça, moi. Dans quelle ville de France la taxe d'habitation est-elle la plus élevée ? Oh merde, putain. Wow. Ça, c'est un peu dur. Tu sais pas, t'es pas un peu dans le pognon, bah, déjà, c'est pas mal. Ouais. Ça doit être une ville du sud. Du sud. Ouais. Alors, t'as trouvé ça tout seul ici ? Le cheminement intellectuel du mec. C'est Nice, non ? J'ai dit une connerie dans l'or, je bâtis c'était ça. Pour non, ça mais dans le sud, c'est super cher. C'est des gros riches. Ah, ouais, oui, c'est des gros riches. Ils ont un accent ridicule. Et puis c'est. Ils sont peut-être riches parce qu'ils payaient pas beaucoup d'impôts aussi. Donc, on a des auditeurs. Ah, ouais. Elle a tout se retourne. Je sais pas, tu dirais quoi, toi ? Moi, je dirais Nice. Mais si c'est pas ça. Et tentez un coup mais... de poker. Eh bah, vous mourrez, vous. Tentez un coup de poker sur Saint-Nazaire ou un truc comme ça. Le Mans, un truc sympa, Saint-Claude. Saint-Claude. Saint-Claude. Saint-Claude. Non, c'est un truc à la con, genre Aix-en-Provence. Menton. Hein ? Non. Vous êtes plein de villes, qu'est-ce que vous jouez comme ça ? J'essaie de voir son expression là. On dit Nice ? Oui, Nice. Pokerface. Nice. C'était Lille. C'était allez au sud de la France. C'est ça. En plus, la nouvelle, c'était un mec dans le Nord. C'est une vie de merde. Oui. Ça aurait pu nous mettre sur la voie. C'est vrai, ça aurait pu nous mettre sur la voie. Mais... Sur la voie du Nord. Allez, t'es mort. Bravo. Non, journalistique et tout. Ouais, pas mal. On peut savoir ce qu'il reste ? Oui, il reste la 3, la 6. La 10, la 11 et la 12. La 10 et la 11, pardon. 3, 6, 10, 11. 3. Mais la 3, ils l'ont déjà prise. 3. C'est une belle ville aussi. Non, la 3 n'a pas été prise. Ah, pardon. 3. Média. Le 8 janvier, la directrice de France 3 a annoncé l'arrêt de l'émission 30 millions d'amis en juin. Quel a été le nom de l'emblématique berger allemand, mascotte de l'émission de 1976 à 1982 ? Moi, je sais. Ah, ça m'énerve quand je fais un truc. C'est toi, qu'est-ce qu'il y a ? Allez. C'est pas... Le nom du berger allemand, 30 millions d'amis. Tu l'es là, je l'ai, tu sais que je l'ai. Oui, tu l'as. Oh, putain. Non, bah, tu l'as pas. T'as peut-être une sœur qui s'appelle comme ça. Bah, hein, bah, bah. C'est un peu raciste. Rachida, Rachida. Non, c'était Mabrouk. Oh putain. Mabrouk. Ça veut dire un truc en arabe, mais je sais plus quoi. Putain, je savais. Mais tu l'avais pas du tout en fait. Donc, Marie-Lou et Adélaïde passent devant avec 3 points et les autres équipes ont 2 points. Marie-Lou Adélaïde, je vais essayer de il reste 6, 10, 11. 10, économie. Oh, ah, cool, on l'aura pas. Le 5 janvier, Volkswagen a dévoilé son nouveau monospace électrique, Bud E. Super. Bud E. Oui, mais de quel célèbre modèle de la marque ce véhicule est-il inspiré ? Ah oui. J'ai même pas compris la question. C'est quoi la question ? Le 5 janvier, Volkswagen a dévoilé son nouveau monospace électrique, Bud E. Mais de quel célèbre modèle de la marque ce véhicule est-il inspiré ? Moi, sais pas, je connais pas Mercedes, moi. Aucune idée. D'accord. Eh ben, on va dire surtout la Casa. Surtout que les... Voilà. Ah ouais, c'est-à-dire que quand t'écoutes pas la question, c'est-à-dire que le troisième mot, déjà, t'as pas compris. Le 5 janvier, Volkswagen a dévoilé son nouveau monospace. Ah, c'est Mercedes. Non, mais... Oh, merde. Mais quoi pas. Mais elle est demandée. Mais non, mais on sait même pas un nom de... Mais c'est pas Mercedes, c'est une marque Mercedes Volkswagen. Mais, mais bro, dans votre tête, je croyais que c'était Alexis le plus bourré. Voilà, quoi. C'est ce que je voulais dire. Oui, mais non, mais même au début, vous disiez ouais, je connais pas les modèles de Mercedes. Ah merde, mais. Non, j'ai... Donc la Classe A non, non, non, non. Non, bah si, la Classe A. De toute façon, on sait pas. Attends, Volkswagen. Moi, je connais pas. Pauvre auditeur. Une Polo, la Polo. Oui, voilà, de toute façon c'est le combi, puis j'ai arrêté de. Parce que de toute ah, façon. Mais c'est ah, mais Volkswagen, c'est bien. Polo, c'est bien Volkswagen. Oui, c'est bien. Bravo. Alors, bravo. Déjà, moi je pense que tu devrais avoir un point pour ça. C'est vrai qu'un un monospace. Oui, c'est vrai. Un monospace inspiré de la Polo, ouais, c'est. Mais c'est de merde. Bon, allez. Il reste la 11, Alexis et Aurélien, la 11 et la 6. C'est à toi, Aurélien. La 6. La 6. Santé. Eh merde. Mais pas des pieds, oui, je sais. Non, non, non. Il m'a regardé, genre, fais là. Le 2 janvier. Le gouvernement a augmenté le numerus clausus des étudiants de médecine qui passent en deuxième année d'études pour éviter les déserts médicaux. Ouais, toi, okay. Je m'en fous. C'est l'affirmation. Que veut dire littéralement numerus clausus? Bah, je sais pas. Bah, numerus, donc là, on est au niveau du nombre. Ah, ouais. Clausus, c'est pas un os, c'est pas un os, un numerus. Oh putain. Voilà. Un peu de science. Le oh, Billet, il a pas du tout aimé cette blague. Non, mais j'ai juste pas entendu. J'ai sur numéros clausus. Il réfléchit. Le nombre d'inscrits. Vas-y. Le nombre d'inscrits. Non, parce que c'est le nombre fermé. Tu l'avais en plus. C'est con. Hein. C'est con. Dit que c'était ouais, c'est vraiment dommage, quoi. Putain. Bah, en fait, c'est toutes ces années de latence pour rien, quoi. Ah oui. Ah, okay. Tu donnes des responsabilités. Et donc la 11. C'est ça, sport. Putain, ouais. Merde. J'ai pas dit 11. Le 10 janvier, l'équipe de France de volley-ball a assuré sa participation au JO de Rio de Janeiro en remportant le tournoi de qualification olympique. C'est faux. Bonne réponse. Qu'est-ce qu'il a dit? C'est faux. Non, mais c'est pas ça là, il n'y a pas de question encore. Ah, une blague. De combien de joueurs une équipe de volley-ball est-elle composée? 6. 6. Bonne réponse. Ouais, mais, ils sont pas, mais ils sont pas qualifiés. 6 sont qualifiés, ils ont remporté le tournoi. Bah non, ils l'ont perdu. Non, ils l'ont remporté. Ils l'ont perdu contre la Russie. Non, ils l'ont... Ah. Bah, non, ils l'ont gagné. Non, ils l'ont perdu. Non, ah, le suivant. Ils ont fait deux. Ils ont perdu le premier contre la Russie. Ouais. Mais ils l'ont perdu au final. Ouais, si, ils l'ont perdu, ouais. Grave. Ouais. Mais ouais. Ouais. Si. Bon, bah. Et du coup, ils vont faire un. En plus, ils l'ont bien perdu, quoi. C'est du coup, genre, on a deux points parce que je t'ai corrigé également. On me dit dans l'oreillette qu'on est en train de vérifier sur Wikipédia. Et du coup, ils ont gagné. C'est Wikipédia. C'est peut-être un jingle. Bien, donc en attendant la confirmation, de toute façon, ma question sinon c'est l'équipe de France a perdu en finale le tournoi de qualification olympique. Comment? La question ça change pas, c'est quand même combien de joueurs. Ouais, non, mais soyons précis quoi. Ils ont gagné? Ils ont perdu 3-7. Voilà. Ouais, ok. Excusez-moi. Tu pourras couper du coup, on peut la refaire parce que j'ai pas envie d'avoir l'air con. Non. Ok. Donc, après le début, alors qu'Aurélien est en train de... Mais c'est pas possible, les deux. L'équipe Fontaine. Mais grave. C'est l'équipe Fontaine. Non, non, c'est... Oh, non, non, non. Ils sont démontés, les deux. Et moi? Non. À la fin du début, donc. Premier ex-écho, Marilo Adelaide et Clément Billet avec 3 points. Et derrière, Alexis Aurélien avec 2 points. Oh, mais juste après, ça. C'est mort. Mais là, vous pouvez marquer beaucoup de points puisque c'est la suite. La suite. Tapant sur tes doigts, ça allait faire du bruit. Non, mais je rajouterai les effets. Ah. Wow. Donc, c'est 5 listes concernant l'actualité. C'est-à-dire que je vais vous donner une liste. Une liste, vous a, une liste pour me donner des réponses. Sauf, vous avez le droit de dire toutes les réponses sauf la plus évidente. Mais ça, on exemple. L'a déjà fait la dernière fois. Oui, bah oui. Ah ouais, en fait, c'est le même. L'émission, c'est le même nom d'émission. Ouais, je m'en foutais un peu au début, la dernière fois. Ouais. Mais le milieu, c'était cool. Parce que ouais, voilà. Du coup, là, je me rappelle. C'est quand qu'on choisit une chanson? Jamais. Il n'y a pas de chanson, c'est fini. T'as choisi, toi, putain. C'est vraiment des enfoirés en plus, c'est bon. Oh non. Donc, là, vous répondez chacun votre tour. Et vous marquez des points tant que vous donnez une bonne réponse. Chacun notre tour en tant qu'équipe ou en tant qu'individu? En tant que légume. Oh! C'est tout? Non, en tant qu'équipe. Il fait de l'humour surréaliste. Je comprends pas. Par contre, je vous demande. Ouais, que... voilà. Okay. Je vous demande, ok? Ouais. Vous devez me citer un pays ayant l'arme nucléaire, sauf la Corée du Nord. Bien sûr, c'est un rapport avec les événements de janvier aussi. Alors, quand je dis événements de janvier, je parle pas de ça. Oui, non, bah la Corée du Nord, c'est la plus évidente. Donc sauf la Corée du Nord. C'est pas sûr qu'il y a. La prochaine fois, tu leur expliqueras les règles avant l'émission. Ouais, je crois, on va faire un petit brief parce que là. Mais c'est bon, on a. Bah, dites une réponse, les filles. Ah, c'est nous. Oh putain. La France, hein. La France, très bonne réponse. 300 têtes nucléaires. Ouh. Ah, d'accord, on a même le nom. C'est la fête. Le missile. Alexis Aurélien. La Grande-Bretagne. La Grande-Bretagne, c'est. Putain, mais tu vas le faire à chaque fois. C'est pas le nom d'un pays, la Grande-Bretagne. Je te l'accepte parce que. Ah oui, bah, c'est... Vas-y. Oui, voilà, je te jure. Putain, j'ai peur. 225 têtes nucléaires. Non, la Grande-Bretagne, ça comprend l'Irlande aussi, je crois. Mais c'est... Ah, mais non, mais voilà. Mais non. Les États-Unis. Les États-Unis. Les États-Unis. 8500 têtes nucléaires. Oh champion du monde. Oui. Pardon. Mais j'avais une réponse. Sinon. Ah, ben. Bah. Tant pis. Hein. La Russie. La Russie, bien sûr. 11 000 têtes nucléaires. 11 000 en les Alors dis-le-moi. Combien les États-Unis, j'ai pas entendu. Le Pakistan. Ah, oui, Pakistan. Oui. Oh putain, le Pakistan. 90 têtes nucléaires. Ah là, il y a du level, là. Attention. Là, il est bon, là, il sait tout. Niveau têtes nucléaires. Ah, d'accord. Israël. Je m'attendais pas. Hein. Israël, bien sûr. Israël, 200 têtes nucléaires. Oh. Allez, les filles. Le Canada. Le Canada, c'est une mauvaise réponse. Ah, ma rookie, t'es trop méchant. La Chine. Faut pas appeler rookie à des émissions. Pardon. Ah oui, j'ai... La Chine. Ma réponse, 240 têtes nucléaires. Yeah. Bill et Clément, alors je vais être franc avec vous, il en reste qu'un. C'est vrai. Donc, alors attends, on va discuter. Ah ok, ah bah pas trop déçu. Bon, continuons par continuer. Moi, ouais, c'était pas... Je peux pas perdre beaucoup de points là-dessus. À mon avis, l'Allemagne, non. Non, c'est cause de... Voilà. Et clair. Ils ont pas de vas-y. Clairement pas. Le Japon non plus, ça risque d'être chaud. On a quelques années. Ah, pourquoi pas l'Inde? Moi, j'attends mon l'Inde, oui. Bonne réponse. Allez. Donc, vous avez marqué 3 points les deux équipes et 2 points pour les filles. Ah, mais c'est pas trop mal. Le Canada. Canada. Tabarnak. Maintenant, vous devez me citer un nominé dans les catégories des meilleurs acteurs ou actrices ou réalisateurs et réalisatrices pour les Oscars 2016. Oh merde. Sauf Leonardo DiCaprio. Merde, attends, j'ai pas écouté. Donc, putain, mais c'est pas possible. Tu me regardes en plus, mais c'est ah, vraiment... Ah, c'est bon, bah je les ai. Donc, nominé dans les catégories meilleur acteur, meilleure actrice ou meilleur réalisateur, meilleure réalisatrice. Un indice, il y a qu'une seule couleur. C'est-à-dire, pas un réalisateur, pas le réalisateur d'un film qui est nommé meilleur film, ça marche pas. Ok, c'est vraiment la personne oui, qui doit être nommée. Ouais. Très bien. Vous commencez les filles. Allez. Eddie Redmayne. Bien sûr, ça m'étonnait à peine que tu dises ça. Oui. Pour The Danish Girl, j'en ai. Bonne réponse. Pas beaucoup, mais j'en ai. Mark Ruffalo. Mark Ruffalo, bonne réponse pour Spotlight. Je sais pas. Sylvester Stallone. Bonne réponse. Ouh. Pour Creed. Il y a meilleur réalisateur, meilleur acteur et meilleur second rôle. Rachel McAdams, c'est le nominé, je crois. Je sais pas. Bon, Michael Keaton. Michael Keaton, c'est une. Non. Mauvaise rookie. Réponse. Ah, ça fait mal parce que j'ai dit. Du... Ouais. Ouais. Moi, je l'ai entendu tout le week-end, ça. Ouais, ça... Ils ont dit quoi? Michael Keaton. Non. Et il y est pas. Non. Par contre, Rachel McAdams, elle y est. Oh non. Elle y est. Oh non. Pour Spotlight. Rachel Goudreau. Brie Larson. Oh non. Oh non. Rachel Goudreau. Ah, il est en train de se baver dessus, là. Son cerveau, il peut plus supporter. Okay, il convulse. Brie Larson. Ah, c'est dégueulasse. Ah, il a craché partout. Heureusement que t'as pas vu ce qui s'est passé. Tiens-toi, s'il te plaît. Je t'ai fait arroser. Donc. Ah, mais je t'aime bien, quoi. Mais bon. Je t'aime bien, quoi. Bilal, tu disais Brie Larson. Bonne réponse pour Room. Ouais. À vous. À nous. Oui. À nous. Bah, elles ont perdu, elles ont dit Michael Keaton. Et alors, attends. On tente Mathieu. Non. Attends. Je l'avais sur le bout de la langue. Le mec de House of Cards. Non, pas du tout. Pourquoi pas, combien de temps? Parce qu'en fait, je le sais. Bah, c'était cette année, en plus. Encore 10 petites secondes, quoi. Ah, putain. Ah, mais en plus... Tu m'as inondé où? Meilleur réalisateur, il y a une autre, là. Café The Revenant, aussi. Non. Ouais, j'en sais rien. Putain. Ah, si. Oh, putain. Ah, merde, mais pourquoi j'ai dit... Ouais, pardon. Tom Hardy, c'est une... Bonne réponse. Oui. Allez, quoi, tu as même. The Revenant. Ah oui, je vois. Je peux pas. Tu peux. Alfonso Iñárritu. Alfonso Iñárritu. Alors, c'est des vrais noms de personnes. Non seulement, voilà. Le mec se la raconte parce qu'il connaît le cinéma, mais il n'y est pas. Ah bon? Non. Mais si. Non, Alfonso Iñárritu, non. On peut continuer, parce que j'avais encore un. Si c'est pas pour le voler tout à l'heure. C'est Alejandro Iñárritu. Non. Alors là, si on ne l'accepte pas, je fais un scandale. Non, non, mais on est d'accord qu'il y a... Alfonso Alejandro, c'est la même merde. Rien que le fait que... Rien que le fait... La violence. Oui. Excuse-moi. Écoute-moi, Khaled. C'est pareil. C'est rien que le fait que t'arrives, rien que le fait. Non mais Alejandro, c'était pour rebondir sur ta blague espagnole. Rien que le fait que tu balances le nom d'un mec absolument mais pas connu et qu'en plus il s'appelle Alejandro González Iñárritu. Non mais mec, c'est le mec qui a gagné le dernier Oscar du meilleur réalisateur. Il est connu, c'est pas parce que tu le connais pas qu'il est pas connu. Moi je le connais pas, mais j'aime pas le cinéma en même temps. Mais voilà. Mais t'as dit. Alors attends, on fait un vote. Qui vote pour que j'ai le point? Parce que c'est logique. Moi je suis obligé. Alors attendez, le vote. Voilà. Attendez. Déjà le vote à main levée sur une émission de radio, c'est très bonne idée déjà, parce que vraiment, il y a beaucoup de monde. Mais genre, on fait ça pour les gens. Faites ça pour le cadeau. Alors, tu vas te faire foutre. Oui, vas-y, la plèbe aura ta peau. Le monsieur. La plèbe, oui. Je n'accepte pas. Donc du coup, vous avez le droit à 3 réponses maximum. Sans déconner. Ah, je vais être chiant. Un mauvais. Remarque, c'est le réalisateur, je sais pas si j'ai bien... C'est vrai que t'es méchant là, quand même. Allez, je te donne 10 secondes pour m'en donner un autre. Je compte pas Iñárritu, mais t'as 10 secondes pour m'en donner un autre. Avec les mains. Et je te laisse dans la course. J'ai envie de t'aider, Bilal, mais je peux pas. Oui, il va dire quelque chose. Oh, allez, il s'approche. J'ai pas une idée depuis le début. Je sais pas du tout. Steven Spielberg. Steven Spielberg, c'est raté. Tant pis. Alors, une reste... Mais t'es un peu un enculé quand même, hein, je tiens à le préciser. Mais je t'apprécie, hein, mais t'es un gros enculé de ta race. Mais je t'aime bien, franchement. Hein, j'aime bien les mecs qui font gros enculé, tu fais la liaison, c'est génial. J'arrive, je peux le videur, s'il te plaît. Genre massif. Bon, allez, vas-y. Je peux pas parler. Bah oui, vous avez le droit à 3 réponses, du coup, vous êtes tout seul. Quête Blanchette. Quête Blanchette, c'est une bonne réponse pour Carole. Encore 2 réponses, j'ai le droit. Non, Vincent Cassel, non? Non, pas du tout. Non. Ah, Gérard Jugnot, par exemple, j'ai pas. Marion Cotillard? Non plus. T'as regardé un film depuis 10 ans, le gars, je crois. Louis de Funès? Oh, mais je les ai tous maintenant. J'en ai 2. Tom Hanks, c'est trop énorme. Kevin Spacey? Tom Hanks, non. Il y avait Fassbender et Fassbender, Kate Winslet, Jennifer Lawrence. Il y a Alicia Vikander aussi de The Danish Girl, Marie. Mais oui, mais je savais pas. Son nom. Bryan Cranston. Ex Machina. Aussi. Et puis voilà quoi, c'est pas mal. Il y a Matt Damon pour Seul sur Mars aussi, mais ça je comprends pas. Mais il y avait Tom McCarthy pour Spotlight aussi. Le vide dans. Donc pour l'instant, Adélaïde et Marilou ont marqué 3 points. De toute façon, t'aurais pas mis. Voilà. Mais t'aurais pas mis de points après parce que t'en savais pas d'autres. Bah non, parce que je t'ai demandé à savoir un autre, tu m'as rien dit. Ça m'a là, c'était juste plus sur le réalisateur, il y avait de la pression quoi. Donc, Alexis, Adélaïde et Marilou ont marqué 3 points pour l'instant, Alexis et Aurélie ont marqué 7 points et Bilal et Clément 5 points. Et là, je sens que vous êtes contente d'avoir pris une équipe de filles. Citez-moi un joueur ayant reçu le ballon d'or, sauf Lionel Messi. Oh, maintenant on est sur Sexist FM, ouais. Après Raciste FM, c'est bien. Non, c'est pas Sexist FM, c'est juste que je les connais en tant qu'amis. Et je sais que. En tant qu'amis, on se connaît. Si tu dis Paul George Entep, j'accepte. D'accord, Ronaldo. Ah, lequel? Ah oui. Ah oui. Tu connais rien en foot? Bah, Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo, c'est une bonne réponse. Oui, Ballon d'Or. 2008, 2013, 2014. Ouais. C'est dans tout, sur tous les temps. Oui, sur depuis tous les temps. Alors, tous les temps. Tu connais un peu? Attends, elles ont dit qui? Elles ont dit qui? Ah bah... Ronaldo, elles ont dit. Ah oui, Zinedine Zidane. Ouais. Zinedine Zidane, c'est une bonne réponse. C'est vrai? 1998. Toi, t'es bien. Ronaldo, le Brésilien. J'aurais jamais dit. Ronaldo, le Brésilien, c'est une bonne réponse. En 97 et 2002. Ça fait longtemps que ça existe, le ballon d'or. Ah oui, on se donnera. On peut dire les super. Est-ce qu'on peut avoir une information? Oui. Ça fait combien de temps que ça existe, ce truc? À peu près 60 ans. 50 ans. Pelé, il en a forcément. Ouais, milieu des années 50. Qui? Pelé. Pelé. Eh ben non. Alors, il y a une petite... Non, attends. Non, mais Antoine. La petite nuance du ballon d'or, en fait, c'est que ça ne récompensait que les joueurs européens au début. Oui. Oh non. Mais ça, c'est de la culture G. Ça. Moi, je propose qu'on ait une deuxième chance. C'est un peu plus. C'est ça. Iñárritu. Il a eu le ballon d'or aussi. Et on a voté pour vous. En plus, oui. Moi, je suis juste pour qu'elle soit sympa. Ben non, une question, elle répond à côté. Alexis, c'est gros connard. Ah non, c'est bon, c'est des merdes. Alexis, Aurélien. On va dire. On va dire Platoche Platini. Platoche Platini. C'est bien joué, voilà, ça, c'était Platini. Lui que je pensais. Ouais. Oui, en 83, 84 et 85. Yeah. Cruyff. Johan Cruyff, c'est une bonne réponse. Non, non, non. Ouais, on va dire pas 71, 73, 74. Pavel Nedved. C'est une bonne réponse en 2003. Quelle personne va penser, tu vois? Cannavaro, c'est une bonne réponse en 2006. J'ai entendu aucun des noms. Et en plus, Ronaldo, personne l'a cité, alors que je l'avais dit au début. Attends, ils ont dit qui? Hein? Celui qui s'appelle Ronaldo, mais que si, si, ils l'ont dit. Les Brésiliens. Shevchenko. Oui, voilà. Shevchenko, c'est une bonne réponse, ouais. Je cherche. Comment il s'appelle ce con, déjà? Putain, Shevchenko. Ah, Andrei. Andrei. En 2004, Shevchenko. À vous, du coup. Il s'appelait Soulyev. Michael Owen. Michael Owen, putain, c'est vrai. Les grandes heures du foot 2001. Putain, juste que tu dirais la cadence là. 2004 par là, il l'a eu. Rivaldo. Rivaldo, bonne réponse, 99. Ronaldinho. Ronaldinho. C'est une bonne réponse, 2005. Par Zlatan. Kaka. Pardon. Encore. Alexis le communique. Oh la blague de merde, putain. Il a vraiment Je suis de rire là. Kaka, non, il l'a pas eu, Kaka. Si, il l'a eu. Attends, bah, je l'ai paumé dans ma liste. C'est Kaka, il l'a eu 2007. Il a essayé de nous baiser. Après, c'était Ronaldo et Messi, etc. C'est ça, il en a eu un avant. Il y en a plus ? Si, si, il y en a plus. Ouais, il y en a encore plein. Léviachine. Oh putain, c'est le gardien de but soviétique. Le gardien de but, c'est le gardien de but soviétique. Là, je suis un peu d'ailleurs. Léviachine. Après, j'aurais jamais trouvé Léviachine. 63, Léviachine. Qui gagne le but, c'est joueur. Bon. Georges Best. Georges Best, c'est une bonne réponse. 63. C'était le meilleur, non? C'était le meilleur. Moi, j'adore cette catégorie, en tout cas. France, Beckenbauer. Ouais, en 72, en 76. Est-ce qu'à un moment, quand nous, on ne peut plus rattraper les points qu'ils ont en avance, on quitte le jeu? Non, on s'en va. Vous pourrez rattraper, vous allez voir. Cannavaro. Cannavaro, ça a déjà été dit. Donc ils sont perdus là. Donc là vous avez le droit à 3 réponses max. Ok. C'est pas grave, non, mais c'est bon, déjà Papin. Jean-Pierre Papin, c'est une bonne réponse, 91. De toute façon, on mais pourquoi il est bon en foot, Platini, j'arrive pas à retrouver. À mon avis, c'est parce qu'il aime le foot. Je sais pas, c'est petite. Non, c'est comment qu'il dit Stéphane Guivarche. C'est la blague. Chèque Diabaté. Chèque Diabaté mériterait, ouais. Il était nul. Non, j'ai proposé un truc. T'as proposé quoi? Raoul, j'ai proposé. Mais non, il l'a pas eu, c'est sûr. Non, tu peux même arrêter de proposer de la merde aussi. Parce que mais Raoul, il l'a eu. Non, il l'a pas eu. Il l'a eu dans mon cœur. Ouais, t'as bien Raoul. Bon, allez, me pose une réponse. T'as bien la plante. Grégory Coupet. Martel. C'est celle que je connais. Il y en a un qui a dit Zlatan Ibrahimovic ou pas là? Il l'a pas eu. Il l'a jamais eu. Il l'a jamais eu. Ok. Non. Il l'a jamais eu. Putain, non. Mais pourquoi? Mais c'est... Oh non, bon, jusqu'à ce moment-là, c'était marrant ce qui s'était passé. C'est dommage. Depuis en chantier, on montait. Allez. 10 secondes. T'en as plus? Il y en a plein, pourtant. Eh oui, il y en a plein. Il y avait. Je suis en gueule de bois, j'ai du mal. Il y avait. Ouais, non, mais il y avait Luis Figo. Parle pas aussi fort. Ah ouais, putain. Cantona, il a pas eu. Cantona. Non, Cantona a pas eu. C'est pas juste. Ouais, Van Basten. Raymond Coppa, Roberto Baggio, Lothar Matthäus, Alfredo Di Stefano. Il y a pas un seul nom que j'ai déjà entendu de ma vie. Pas un seul. Donc pour l'instant, dans cette manche, Adélaïde et Marilo ont marqué 4 points. Alexis Aurélien ont marqué 14 points. Et Bilal et Clément ont marqué 13 points. Sans compter les points du début. Hein. Mais bon, là, les 3 et 2, ça va pas faire un grand. Maintenant, vous devez me citer un des 50 sites internet les plus visités par les Français en 2015. Oh, mais... c'est sauf Google. Question. Les sites pornographiques comptent ou pas? C'est un site qui peut être dans le top 50. Non, c'est mais un site internet. Parce que des fois, ils vont juste les virer. Les non, sites. Non, y a, c'est sans, non censuré. Ouais. D'accord. Donc, oh putain, c'est bon. Et fini. YouTube, c'est une bonne réponse. Bah, c'est troisième. Google, hein, quand même. Faut savoir quand même que Google est premier et quatrième. Il y a Google.fr qui est premier et Google.com qui est quatrième. YouTube, ça appartient à Google. Là. Oui, mais c'est pas le site de Google. Oh, mais ça appartient à Alphabet en plus, connard. C'est à nous. Ouais, monsieur le business là. Allez, vas-y, on va. Allez, on va. Wikipédia, oui, onzième. Le Bon Coin. Ouais. C'est le premier qui dit. Le Bon Coin, oui. Et faut que je le retrouve, ouais. Sixième. Wow. Ah ouais. Il y avait plus évident ou quoi? Ok, bah, ouais, j'avoue. Facebook, bien sûr. Facebook, deuxième. On a pris une cartouche. Je t'en prie. Twitter. Désolé. Twitter, ouais. Alors, Twitter, 13ème. Ouais, 13ème. Mais on a. C'était 12ème. Ah, c'est là. Ah non, c'est pas à vous, pardon. C'est à Bilal avec Clément, je sais pas. Mais je te regarde parce que t'es belle. Est-ce que Google et Gmail sont la même chose? Bah, ouais, on va dire oui. Allez. C'est une adresse, quoi. Enfin, c'est le nom du truc avant point, ah, com.fr. Dailymotion. Quoi. Ah, je sais pas. Dailymotion. C'est les 50e Dailymotion. Oh, oh, oh putain. Ah, il faut un peu de réussite. Le poteau rentrant. On peut partir sur la suite. Ouais. C'est à nous. Amazon. Amazon, ouais, 5e. Alexis Aurélien. YouPorn. YouPorn, c'est une mauvaise réponse. Pourquoi t'as dit ça? eBay. C'est qui la langue de Bénin? Bilal Clément. Il y a des gens encore qui font ça. Attends, allez-y, concertez-vous. S'il y a Dailymotion. Pas des trucs d'actu. Alors Le Monde, tu veux dire? Ouais. Putain, il a répondu trop vite. Allez, bah, Le Monde. Le Monde, c'est une bonne réponse. Oh putain. 19e. T'es parti trop vite avec YouPorn. Adélaïde et Marilou. Instagram. Le Figaro. Le Figaro, c'est une bonne réponse. 21e. Je déteste. Non. Oui, merci. Voilà. J'avais mis sur les mauvais. C'est fait niquer comme d'hab. À vous. Finiqué par une autre temps. Moi je pense que vas-y, on tente. eBay, c'est une bonne réponse. Ils sont 17e encore. Hein. Encore eBay. Ah, vous les filles. Instagram, c'est une bonne réponse. 38e. Sérieux? Ah ouais, L'équipe, c'est une bonne réponse. L'équipe, sont 26e. Vous m'avez entendu, c'est ça? Ouais, mais je pensais aussi, je savais pas. Les filles, moi je crois que j'ai jamais allé de ma vie. Il y en a un autre. Et les ballons d'or non plus. C'est Discount, c'est une bonne réponse. 14e. Oh, bien joué. En fait, je voulais en dire plein avant que tu foires complètement. TF1, c'est une mauvaise réponse. Putain, mais Brice Ministère, c'est bizarre. Les filles, vous avez le droit à 3 réponses maximum. Un peu de blaireau. Vous avez le droit à 3 réponses maximum. Tu pas toutes mes réponses. Bon, bah alors, Price Minister. Price Minister, c'est une bonne réponse. Ils sont 39e. Personne qui dit Lycos. En Carta. Il y a pas... Ah non, c'est pas sur le web, en Carta. Attends. Ne lui parle pas à lui. Allez, les filles. Oui, bah non, mais calme-toi, ils ont eu. Moi, je me calme. Moi, c'est comme Windows. Démarrer. Mais est-ce que les. Est-ce que les messageries, les trucs de messagerie, ça compte? Il faut que ce soit le truc avant le .com ou le .fr, c'est le nom du, voilà, de l'entreprise. Non, oui, j'en sais rien, juste ta réponse. Oh, putain, ouais, c'est pas moi qui ai fait le classement. Quoi? Je sais rien, moi. Outlook. Outlook? Outlook, c'est tu ne. Non, mais Outlook ou pas? Ah, oui. Non, bah, okay, oui. C'est une mauvaise réponse. Bon. Allez, tu m'étonnes. Pardon. Il y avait 20 minutes. Halluciné. Halluciné. Oui, mais je l'ai dit. Bing est 10e. Ah, c'est très bien pour rechercher du porno. Yahoo est 8e. Ah, d'accord. Ah, non. Il y avait Live, Orange, SFR, les pages jaunes, MSN. 12e MSN. MSN, France TV Info, ouais, jeux vidéo, la CAF. Voilà. La CAF. Caisse d'épargne, Alexis. Ouais, mais c'est, du coup, c'est par défaut MSN sur certains. Crédit Agricole, Banque Postale, voilà. LinkedIn, bien sûr. Hein. Le truc des pros là. Le truc des pros. Sinon, il y a des trucs un peu plus. X Hamster, c'est le seul site porno qui est. Il y a les 49e. Et moi, je trouve que c'est un des. Il est qualitatif. C'est ton préféré aussi, Billy. Un truc avec non, mais j'ai un peu du mal à Hamster. Je sais pas pourquoi ça s'appelle Hamster d'ailleurs. Ok. Mais bon, tu vois. C'est vrai que tes petites têtes d'Hamster quand tu te pougnes, c'est un peu gênant. Mais c'est un peu nul. Ok. Donc, merci. Dans cette manche, Adélaïde et Marilou ont marqué 11 points pour l'instant. Alexis Aurélien, 16 points. Billy Clément, 18 points. Ça va. Dernière. Dernière question de la manche. Citez un habitant de ce village gaulois qui résiste encore et toujours à l'envahisseur romain. Sauf Astérix. À nous? Ah merde, oui, c'est à vous. Mais je suis pas. On prend les risques? On se concerte bien. Prends des risques. Bonne réponse. Bien sa gueule. C'est très bon. C'est ta meilleure vanne aujourd'hui. Oh, franchement, bien. Ouais, attends, c'est pas, fini. Pas très marrant, mais là, c'est pour le menhir. C'est un petit bout en train. Alors, let's go. Ah bah, Obélix. Obélix, bonne réponse. Oh, putain, j'ai eu. Ordre alphabétique. Ordre alphabétique, c'est une bonne réponse. Ah, bien sûr, je serai très exigeant sur la prononciation des noms. Hein. Mais je l'ai très bien prononcé. Voilà, je non, mais linguiste. Oui. T'es linguiste. Enfin, je crois. Ouais, ça se voit. Merci. Panoramix. Panoramix, bonne réponse. Abra Raccourcix, c'est une bonne réponse. Merde, je l'avais celui-là. J'ai demandé des habitants. Ah oui. Ça dépend de ta vision des choses. Si c'est un chien, c'est un habitant. C'est un personnage important en tout cas. Ouais, c'est un personnage ou habitant, j'ai demandé. Ta gueule. C'est automatique. J'adore. Il est trop content que tu dis non. Bonne réponse, c'est automatique. Ah, c'est quoi? H Canonix. Ah bah, je l'avais plus celui-là. H Canonix, bonne réponse. Falbala. Merde. Et non, Falbala habite à Condat. Rennes, elle habite pas dans le village. Elle habite pas dans le village. Elle habite pas dans le village. Je suis trop fière de ma question. Ouais. Je crois que tu vas percher. Ah, tu t'as dit ça. Bonne mine. Oh putain. Oh les gros débiles. Non, pas bonne mine. Bonne réponse. Oh non. Sur Asterix, il est passé, non? Oui. Je crois. Putain, il y en a plus gros cool. Personne n'a dit idée fixe. Non, mais il compte pas. Ah bon? J'ai pas dit qu'il comptait pas, j'ai dit ça dépend de si pour vous c'est un habitant ou pas. Bah, ça dépend surtout pour toi. Moi je pense qu'il compte. Les dés fixes. Voilà, donc la France est peuplée de combien de personnes? Est-ce qu'on compte les chiens dans la population de la France ou pas? Je sais pas trop en fait. C'est nul en fait. Ils sont nuls. Ils sont nuls. Je demande des habitants, vous commencez pas à me dire. Mais il est fixe, c'est le personnage principal. Après, les deux autres, mais. Personnage canin principal. Ah ouais. Bah, pourquoi j'aurais dû mettre si t'es un personnage canin du village gaulois? Vous avez trois réponses. Oui, Assurance Tourix. Assurance Tourix, c'est une bonne réponse. Mais vous êtes vraiment des gros enculés. Voilà. Je pouvais pas le dire ce que. Je pensais qu'on l'avait dit, très honnêtement. Vous êtes super sympa. Je suis sûr qu'ils l'auraient déjà dit. Ah non, il n'y a pas déjà dit. Gros, gros enculés. Ils ont dit ordre alphabétique, c'est automatique, ça va. C'est un peu violent. Il me corrompt. Au nord. Ne le compte pas. Franchement, je suis un peu triste. Ne le compte pas. Je suis déçu. Ne compte pas sur la story. J'aime se faire plaire. Oui, mais je ne veux pas que tu le comptes. Alexis, le connard à côté. Mais c'est bon. Là, on dit, il compte pas dans ton cœur. Allez, vas-y. Voilà. Non, on avait un doute s'il était passé ou pas. Un autre. On va deux autres. La prochaine fois, je te demanderai pas. Vous fermez vos gueules et vous donnez des noms. Non, oui, bah nous, on est encore dans le jeu. Bah, attendez. Il y a qui d'autre? Bah, je sais pas, c'est ça le problème. Voilà, il y a plus rien là. De si, il y en a d'autres. Oui, et bah, je ne sais pas. Je sais pas, le garde du village qui a un nom de mer. La femme d'un jeu Canonix. Ah oui, ça. Ah oui. Oh putain, ah la pute. La putix. Je sais pas, oh là là. J'en ai plus les menhirs. Le menhir. Cherche un mot, isque. Toi, n'importe quel. Tournodix. Non. Déjà, il y avait des faciles. Bah, la femme de H. Canonix, c'est tout simplement Madame H. Canonix. Oh. Il y avait Madame, c'est automatique. Sinon, c'est tellement triste. Il y avait juste un madame pour les personnes. Il y a Cétobofix, Ophtalmologix. Ça, on les connaît pas. Bah non, mais le plus connu. Cétobofix, ici, quand même, il est connu. C'est bah, c'est celui qui vend le. Qui vend quoi, lui? C'est de l'amour. On dit que c'est en faisant ce métier qu'on l'apprend. Forgeron, voilà, merci. Voilà, sinon, il y a aussi des boîtements du Ménix. Voilà. Des boîtements du Ménix. C'est ça. Donc, du coup, marrant quand même. Ouais. Au total, ça fait que Adélaïde. Tu peux compter les points en trahison aussi, s'il te plaît, juste pour. Ok, ça marche. Adélaïde et Marilou ont 15 points sur les deux manches. Ok. Sur les deux manches. Ouais. Alex et Aurélien ont 22 points. Bon, certains. Moi, je t'en un peu douteux quand même. Moi, nous, et Bilal et Clément sont les premiers et ils ont 24 points. Et on peut se regarder dans le miroir. 24, 22 et 15. Donc maintenant, c'est. Le milieu. C'est lui qu'il faut regarder. Il y a trois. Ça va être donc là des questions que je vais poser juste à une équipe. Bien. Il y a un moment, oui. Un lieu et un autre truc. Sachant que les thèmes commencent forcément par en, en. Exemple. En mésotopée. Enculant. Ça peut être l'autre truc. Enculant japonais. Voilà. Un moment, ça, c'est un moment, voilà, je sais pas en moi. 2015. Voilà, par exemple en 2015, un lieu en Mésopotamie, par exemple. Et un autre truc, ça peut être. Voilà, en français. J'ai absolument rien compris. C'est pas clair. Mais putain, vous allez voir. C'est pas clair. Et de toute façon, c'est ceux qui ont le score le plus faible qui choisissent. Vous choisissez le moment, le lieu ou l'autre truc. C'est la meilleure participation de n'importe quel podcast de l'histoire. L'autre truc. De quoi? T'as dit quoi? Il dit c'est pas clair, c'est Antoine. On arrive. Et l'autre truc. L'autre truc. Alors le truc, c'est en avion. Donc là, il y a 5 questions que je vous pose. En Angleterre, quel club de football, décidément, a pris l'avion pour disputer un match à 150 km de là, ce qui correspond à 14 minutes de vol. Donc quel club a pris l'avion pour faire 14 minutes de vol? Un club de Londres. L'Angleterre, le PSG. Un club de Londres. À Londres, il n'y en a pas beaucoup de clubs. Chelsea, c'est un autre club de Londres, c'est Arsenal. Ah, connard. Ah, quel homme politique a fait une apparition dans le film Maman, j'ai encore raté l'avion? Franchement, politique. C'est Schwarzenegger. Ah ouais, oui, c'est un homme politique. Non, mais tu sais. C'est Donald Trump. Oh non. Sérieux? Je sais pas si on peut considérer que c'est un homme politique. Alors, c'est une très longue question, là, je prends ma respiration. De quel film sorti en 1988 une scène a-t-elle été coupée par la quasi-totalité des compagnies aériennes, car le personnage principal y énumère des accidents d'avion en citant les compagnies concerné. C'est-à-dire que quand le film est diffusé ils ont coupé cette scène, alors ça a un gros intérêt dans le film, donc les gens ne comprennent pas. Il faut dire quoi, nous? Et donc, quel est ce film où il y a un personnage qui énumère plein d'accidents d'avion? On a une année du film, 1988. Et d'ailleurs, il n'y a qu'une compagnie qui le passe en entier, c'est Qantas, parce qu'elle n'est pas citée dans la scène. Y a-t-il un pilote dans l'avion? Non, c'était... Tu le sais peut-être, Clément? Non, j'aurais dit ça aussi. C'était quoi? J'aurais dit ça aussi, moi. T'as dit quoi? Mais je sais pas ce que vous avez dit, du coup. Ah, non, c'est Rain Man. Ah, ok. Avec John Smith. En 1960, quel sportif a accepté de prendre l'avion pour se rendre aux Jeux Olympiques de Rome à la seule condition d'avoir un parachute sur lui? Parce qu'il avait peur de l'avion. Mais très bonne question. Mais non, mais c'est ce matin. Forcément, c'est pas Joël Clodo, c'est un mec qui est un peu connu, quoi. C'est quoi, c'est un sportif français? Il n'y a pas d'information là-dessus? Il n'y a pas d'information là-dessus. Mais enfin, généralement, un sportif français ne prend pas l'avion pour aller à Rome. Dans les années 60. Donc c'est un américain. Je sais, parce que vous galérez. Donc, Un américain des années 60? Moi, je connais pas. Elvis Presley, ok. John Smith. Un athlète qui court vite. Oui, un athlète généralement pour les JO. C'est toujours des athlètes. Un vieux. On sait pas. Athlète. Un vieil athlète. C'est bien. Bonne réponse. Alors. Je vais me ridiculiser, donc je vais pas dire. Non, parce que je vais me ridiculiser. Bon, bah, Adèle, tu vas te ridiculiser. J'ai pas un seul qui vient peut-être un vieil athlète. Vous abandonnez, d'accord. Mais non, mais nul. Après, c'était... on fait pas d'athlète sans casser des œufs. Ah, c'est quoi ta proposition? Marc Spitz? Non, c'était plus simple encore, c'était Mohamed Ali. Okay. C'était marrant parce que c'est une grosse brute et tout, mais il est pas là. Ça va, ça se passe bien là, des émissions parallèles là-bas. Bah oui, mais non, c'est marrant, bien, franchement, super blague. Alors, est-ce que t'as une question où on peut répondre ou... Dit quoi? Oui, je pense que c'est là. Non, c'était Caroline Lewis. C'était Mohamed Ali. Mohamed Ali. Dans quel aéroport la piste d'atterrissage est-elle traversée par la seule route qui relie le pays de l'aéroport à l'Espagne? C'est-à-dire qu'il y a une route qui relie ce pays à l'Espagne et il faut traverser la piste d'atterrissage et de décollage pour. C'est chiant. Voilà. C'est-à-dire qu'il y a des passages à niveau, comme le train. Pays frontalier à l'Espagne. Bah oui, c'est pour ça qu'elle est assez simple. Non, c'est le truc qui est en dessous. Là. Comment ça peut s'appeler? L'Afrique. Ouais. Gibraltar. Bonne réponse. Un point. Un point. C'est bien joué. C'est pas vraiment un pays quand même. Tu vas partir à la Grande-Bretagne. Ouais, Royaume-Uni, pardon. En même temps, la question, c'est quel aéroport? C'est l'aéroport de Gibraltar. Je critique. Alexis Aurélien, un moment ou un lieu? Un moment, c'est bien. Allez, un moment. Un moment. On va le regretter, mais un moment. En 1984. Dommage. Oh putain. Dommage. Quelle chaîne de télévision lancée en 1984 doit son nom à une erreur d'impression? Je sais pas. Une erreur d'impression? Oui. Une chaîne de télé? Oui. 1984? Oui. Apostrophe? Apostrophe TV? Non. Le Big Deal? C'est 85. Bon, allez. J'en sais rien. Bah, dites-moi une chaîne de télé, quoi. Ah, juste la chaîne? Mais oui, mais. Ah, bah, c'est TF1. Qui est con? Oui, faut. Ouais, non. Canal? Non, c'est 84, c'est Canal Plus. Ça va s'appeler Canal 4 au début. Ouais. Une erreur de pression et du coup, c'est Canal Plus. Oui. Tu le savais? Oui. Pourquoi tu l'as pas dit, connard? Je sais pas, moi je fais des émissions, je pensais que c'était trop des trucs comme ça. Ouais, bah oui, parce que émission et chaîne de télé, c'est... En 1984, dans quelle ville se déroulaient les Jeux Olympiques d'été que l'URSS a décidé de boycotter? Dans quel pays? Dans quelle ville? Bah, c'était les Atlanta, non? Après, c'est sûrement aux États-Unis, mais je sais pas dans quelle ville, quoi. Moi je dirais Atlanta. Atlanta. Non, c'est en 94, Atlanta. Dommage. 94, c'est Los Angeles. Ah, bien joué, Clément. Quel personnage du roman 1984, imaginé par George Orwell, est le chef du parti qui dirige l'Océania ? Faut dire le nom. Bah dis-la si tu le sais. Mais je sais plus du coup. Il y a plus putain de vie, mais on sait pas. Ah bah oui. Hein ? T'as dit quoi ? Il a dit là. Big Brother. Big Brother, c'est une bonne réponse. Mais pourquoi tu l'as soufflé ? Parce que c'est mon pote. Ah c'est beau. D'accord. Non, en fait, c'est parce que je vois. C'est ça, c'est ça. Mais il nous a niqué tout à l'heure, putain. Mais t'inquiète, ils sont nous on va faire plein de points, t'inquiète. Mais pourquoi d'ailleurs Alexis il veut juste nous niquer. Je vais même retrouver, mais moi je cherchais le nom. Bah oui, du coup t'aurais pas trouvé. Non mais je le savais, le truc c'est Aurélien, hein, c'est bon. Ouais, Alexis Aurélien. Big Brother, excusez-moi d'avoir lu des livres. Alexis Aurélien, en 1984. En 1984, quel cap symbolique le nombre de domaines internet passe-t-il ? C'est-à-dire que le nombre de domaines internet sur Terre a passé un cap symbolique en 1984. Oui, et donc ? C'était quel cap ? C'est un chiffre en fait que je vous demande. C'est pas le Cap Horn en fait, c'est pas les domaines sur une barque. Internet 2.0 ? Non mais c'est pas... je dis que je demande un nombre. C'est magnifique, c'est super. C'est le cap des... Le cap des tant de millions de gens, c'est ça ? Non, de domaines internet. Mais j'en sais rien moi. Tu dis 100, parce qu'il y en a pas beaucoup. 100 ou 1000, non, 1000. En 1984, il y avait 1000 domaines internet. J'ai pas bien compris la question. Pourquoi t'as dit moment C'est moi qui pose mal mes questions. Internet 2.0. C'est moi qui pose mal mes questions ou vous êtes des gros cons? Non, non, je suis vraiment débile. Ah, d'accord. Merci. En 1984, oui. Quelle région? Internet 2.0. Mais tu fais chier avec 1984. Mais oui, mais c'est le thème. Mais c'est non, c'était un moment, c'était pas en 1984. Mais oh putain. Rien. Oh là mais là. Par contre, là, tu vois. Non, mais là, il est con là. C'est par un contre. Moment, mais un moment qui me fait chier. Qui commence c'est un moment qui se passe tout le temps en 1984. Donc, il commence mais non, un moment c'est en 1984. Question. Un lieu c'est en Mésopotamie par exemple. Et un autre truc c'est en avion là. C'est pas vraiment en Mésopotamie. C'est une date, c'est très nul en date et en chiffres. Ah, aussi. Mais moi je pensais que ça allait être. Oh tiens, un moment. Oui, c'est ça. Oh tiens, une question. En plus, c'est ta deuxième des émissions, putain. C'est dingue, Alexis, quand même, d'être aussi con. En 1984. Ah bon. Quelle région se voit contrainte d'abandonner son système capitaliste d'ici 2047? Donc, c'est-à-dire qu'en 2047, elle doit arrêter le capitalisme du jour au lendemain. Suite à la signature d'un traité entre la Chine et le Royaume-Uni. Hong Kong. Ouais. Bonne réponse. Waouh, waouh, waouh. Sinon, tu peux dire, ouais, je sais, tout ça. Ou... C'est-à-dire qu'ils ont signé, en 84 aussi. Et en 2047, Hong Kong a promis d'abandonner le capitalisme. Franchement, bien joué. Voilà. Pour être dans oui, un... voilà, ça c'est va ça. Sûrement pas le 1er janvier 2047. Ouais. Donc, il me reste le lieu. Oui, un lieu, d'accord. En Amérique du Nord. Très bien. Quel accord économique regroupe le Canada, les États-Unis et le Mexique, Billy et Clément ? Accord de libre-échange nord-américain. Putain, tu pouvais pas dire l'ALENA, fallait que tu dises tout. Bah ouais, c'est accord bon. De libre-échange nord-américain. Parce que je me souvenais plus. Une bonne réponse. Accord du pognon, quoi. Des putains de lettres. C'est ce que je voulais dire aussi. Quelle île d'Amérique du Nord ? Quelle île d'Amérique du Nord ? Quelle île d'Amérique du Nord ? Quelle île d'Amérique du Nord ? Quelle île d'Amérique du Nord ? Quelle île d'Amérique du Nord possède un des plus hauts taux de suicide au monde ? Ça le fait marrer. Ah ouais. Je connais les Clément. Le Canada. Ah ouais, c'est tout. Ah si, je pense que je sais. Les gens se tuent à Hawaï. Les gens se tuent. Je savais pas. Aloha. Mais tout le monde veut y aller. C'est tout ? Oui. Impossible, ouais. Ouais, pas mal. Alors ? Mais c'est une presqu'île. Il me faut une réponse, les amis. Saint-Pierre-et-Miquelon. Non, c'est le Groenland. 80. Ouais, mais... oh, je me suis dit que c'était pas vraiment une île. 83 habitants pour 83 suicides pour 100 000 habitants et une personne sur 4 a déjà tenté de se suicider au Groenland. Apparemment, c'est la nuit. C'est parce qu'il y a trop de nuit, ils en ont marre. Quel explorateur forcé à l'exil de Norvège puis d'Islande parce qu'il a tué des gens nomme le Groenland et s'y installe à la fin du 10e siècle. Monsieur Groenland. John Smith. Banidou, t'as dit De Norvège et d'Islande. Banidou. Faut dire une marque. Banidou. C'est pas Banidou, ça. Je crois que je sais. La Lucie, moi, je voulais dire. De. Norvège et d'Islande. Moi, je dirais. Éric le Rouge. Très bonne réponse de Billet. Dans quelle vallée a-t-on relevé. La vallée de Dana. Oh, j'avais la faim. Il a répondu, c'est trop tard, il est mort. Dans quelle vallée attends. Apparemment, c'est la vallée de Dana. C'est les vieux. Son 8 dans la. Ouais. Dans quelle vallée a-t-on relevé sa... Bien laissé, tu vois. Merci, codeur. Jean-Michel. Dans quelle vallée a-t-on relevé 56,7 degrés Celsius en 1913, température la plus haute jamais enregistrée sur Terre ? Si vous savez ça, je vous suis... Quelle vallée c'est noté. Amérique du Nord, la vallée de la mort, c'est bien. La vallée de la mort. Aurélien, tu dois sucer la bite. Oh non ! Bonne réponse. Oh, yes. Tu gagnes pas de mine comme ça, mais t'es intelligent. Il répond à toutes les questions. Lors de la coupure de... Il y a combien de questions, là? C'est la dernière. Ah ouais. Pas mine, on a plus que nous, non? Il a vraiment l'air d'un gros débile, mais au final, ça va. Ouais, c'est... Et attachant, en fait. Lors de la coupure d'électricité qui a touché New York en 2003, des centaines de personnes ont appelé les pompiers après avoir vu quelque chose d'étrange à leurs yeux. Mais de quoi s'agissait-il, là? Des noirs. Tu les vois plus, justement. Ah, je sais, c'est les étoiles, parce que c'est la première fois que vous pouvez voir les étoiles. Les étoiles! Très bonne réponse de Bilal. Ça me fait peur que tu saches ça. Moi, j'ai un peu les grosses boules, là, tu vois. Mais ça m'a fait la même chose quand je suis arrivé vendredi soir, ici. Dans le Jura, c'est vrai. Je me suis dit, putain, il y a des étoiles. Ah, c'est ça. Mais... Ouais, mais c'est sûr. Paris, je les vois plus, quoi. Putain. Cause de la pollution. Mais t'as la tour Eiffel, c'est bien. Ouais. Donc, du coup, à la fin de cette troisième manche, Adélaïde et Marie-Lou ont 16 points. Alexis Aurélien, Alexis Aurélien ont 24 points. Et Bilal et Clément ont 28 points. Donc 28, 24 et 16. On a perdu donc. On arrive donc à la presque fin. Ah, c'est là où il faut gagner. Les homophones. C'est quoi ce rire de merde du fait? Donc là, c'est-à-dire qu'il y a trois catégories qui se prononcent pareil. C'est-à-dire qu'il y a la catégorie faire le tour et faire le tour. Ouais. Moi, je choisis faire le tour. Très bien, personne ouais. l'a jamais faite. Oui. Et je vais, on va la faire 8 fois, ça va être trop bien. Moi, je la ferai. Donc, l'équipe qui a le plus petit score commence. Donc, vous prenez faire le tour ou faire le tour? Bah, vas-y, vas-y, t'es là. Fais le choix. Non, fais le choix. Le deuxième. Le deuxième. Ça va être encore un truc de merde. Eh, vous avez vraiment la poisse, les filles. Oh, ma mère, s'il te plaît. Ah, c'est le Tour de France. Oh, putain, non. Ouais. Yes. Merde. Ah, non, sérieux. On aura pas. Je le voulais, moi. Oh, non, c'est horrible. C'est horrible. Ah, non, mais là, non, mais tu peux nous mettre. Je pense que vraiment. Qu'ont fait les coureurs du Tour de France le 12 juillet 1978 lors de l'étape entre Tarbes et Valence d'Agen? Ils ont pédalé, ça fait du vélo. Ils ont très certainement pédalé, oui. Ils ont protesté, ils n'ont pas fait justement parce que c'était un air de pas content. Ils étaient pas contents et ils ont refusé de faire l'étape. Bon alors, je vais vous la donner parce que vous me faites un peu pitié. Non, ils ont fait grève, mais ils ont roulé quand même. Ah. Ils ont roulé à 30 km/h tout le long en faisant grève et ils sont arrivés. Et ils sont arrivés à pied. Ils sont arrivés à pied. Donc, du coup, je vous donne le point. Alors, ça, c'est Antoine. Sympa. Ça, c'est vraiment un mec. C'est agréable. Mais s'ils roulent, ils font pas grève, du coup, c'est con. Oui, c'est. Non, mais du coup, les gens gueulaient parce qu'il y avait pas de. Ils protestaient parce qu'il y avait deux étapes en un jour et du coup, c'était de la 5h du matin et c'était un rythme trop soutenu. D'accord. Et du coup, bah, la deuxième étape est annulée puisqu'ils ont mis toute la journée pour faire la première étape. Ah, c'est marrant. Un petit malin. Victoire pour le peuple. Oui. Quelle fut la première étape de l'histoire du Tour de France en 1903? Paris-Roubaix. La première étape? Oui. Avant, ils partaient d'où? Mais en plus, ça, c'est toutes des anecdotes que des fois, entre l'entrée et le plat, il me sort, tu vois. Ah, oh, tu savais que. Bah, je t'écoute bien. Hein. Bah, non, mais j'en ai rien. On dit bah, c'est comprendre. La première étape du premier tour. Oui. Et ben, je crois qu'il partait de Paris, non? Oui, de toute façon. Mais de toute façon, on sait pas où il arrivait. Et ben, Paris. Elles sont bien compliquées. Paris-Montargis. Non, c'était des étapes. Paris-Montargis. Et non, c'est Paris-Lyon. What? J'avais dit. Ouais, il roulait de nuit en fait au premier tour de France. Ah, c'est-à-dire que. Voilà. Mais j'avais le départ quand même. Oui, c'est bien. Oui. Un demi-point. En 1998, quelle équipe est exclue du Tour de France pour dopage, marquant un tournant dans l'histoire de la compétition? Ah, ça, c'est simple. Sky. Non, je pas juste... T'as soif? C'est l'année prochaine. Je sais pas. Ah, mais non. Ouais. C'est l'équipe... Oui, les Jeux français. Les Jeux français. Pareil. On va pas te répondre, enfin. Tu connais notre équipe? Non. Ah, je connais les Français, mais je sais pas si c'est français. Alors... Bon, du Sky. Non, c'était Festina. Oh, c'était avec Richard Leverink. Ouais. Ah oui. Quel coureur américain a remporté le Tour de France 1989 avec seulement 8 secondes d'avance sur Laurent Fignon? Sile. Antoine Mais qui j'y peux, vous avez pris celle-là, moi? C'est Lance Armstrong. Non. Oui. C'est trop facile. Greg LeMond. Oui, ah bah évidemment. Oui. Il a fait un journal. Antoine. Greg LeMond. Tu crois vraiment qu'on a pas entendu ta vanne là? Il a pas, dit quoi? Je petite vanne. Ah non. Après, il a fait un journal. LeMond. Ah merde. Et enfin, on sort un peu du vélo. Dans quelle discipline existait-il également un Tour de France chaque mois de juillet depuis 1978? Facile. Facile. Non, mais c'est, lui, c'est vraiment... Ah, mais alors, c'est en foot. J'ai envie de les faire chier aussi. En course à pied. En football. Football. D'une logique implacable. Non. Bah, en course à pied, on s'en fout. En course à pied, il y a des gens qui font le tour. Bah. Non, mais non, mais le Tour de France. Tu ne sais même pas ce que les gens font en course. En trottinette. Non, c'était à la voile. Tour de France à la voile. Ah, ouais. Comment ils font ? La course à pied, c'est à la voile. Ouais, mais c'est à deux tours. Non, ok, ça s'avance. Okay. Un point, félicitations. Eh bah parfait. Mais on a eu. Ah oui, on a eu quand même. Faire le tour ou faire le tour, Alexis Aurélien ? Oh, on va dire faire le tour. Je vais y répondre d'abord. Non, mais je vais pas prendre des responsabilités. Je vais prendre la 3. Ok. Faire le tour. Petit problème de mathématiques là. En sachant que le périphérique de Paris fait 35 km de long, combien de temps faudrait-il pour en faire le tour en respectant, en roulant exactement la limite de vitesse qui est appliquée ? Non, mais c'est casse-couille. Ah non, mais c'est. À savoir que la limite a changé. Oui, la limite en plus vient de changer. C'est pas banquier ? Non. Il est pas banquier, mais c'est. Ah merde, je voulais un banquier dans mon équipe. Je croyais qu'il était banquier, moi. Son père, il l'est. 35 km. On peut appeler son père. Alors attends, ça fait 35 km. Oui. Et on roule à combien ? Ah bah, c'est la question. Ouais, c'est, ah, c'est la double question. Double question. T'as trois, combien d'accord. Tu roules et combien de temps ça fait ? En sachant que le périphérique de Paris fait 35 km de long, combien de temps faudrait-il pour en faire le tour en respectant exactement la limite de vitesse qui est appliquée ? Ah ok, oui. À peu près, tu le fais en. c'est à l'heure près ? Non, à la minute. À la minute près. Combien de temps quoi ? Parce que 35 km ça veut dire que. Tu exemple, tu si c'est. 80 km/h. Ah oui, c'est la même. Ah bah oui, c'est pas cool. Alors, attention, ah bah, Alexis Morel. Lui, il compte les embouteillages. Attends, mais il y a 35 km. 35 km. Si tu roules à 80 km/h, ça fait une heure. Bah non, il a foiré là. Bah il a foiré, oui. Mais j'ai pas réussi. C'est une demi-heure. Non, mais c'est pas 15 minutes. C'est une demi-heure. Non, c'est une demi-heure. 70 km. C'est facile en fait, parce que 35 ça va être 70 km/h, donc c'est la moitié d'une heure quoi. Et non, mais c'est, je pensais que c'était pas ça. Dans quel album d'Astérix, le sixième publié, Idéfix fait-il sa première apparition ? Oh, je sais ! Mmh. Bah, pas moi. Attends, on va faire dans l'ordre. Il y a Astérix le Gaulois. Ah, bah oui. Après, il y a la Sarkozy. Bravo. Évite de taper sur la table, Alexis. Je suis impressionné par cet intellect. Ah, bah alors là, vraiment, Bilou, ça me fait tellement plaisir ce que tu me dis. Mais j'en sais rien. Bah, je pense. Ouais. Putain, pourquoi on n'a pas pris ça ? C'est dur comme question. Internet 2.0, tentez ça. Astérix, c'est Internet 2.0. Est-ce qu'on a le droit de voler des points ? Absolument pas. Merde, ça serait plus drôle. Vous sinon, vous aurez mis une grosse volée. Ah bah. Alors ? Ouais, ça va, ouais. Avec toutes les questions faciles que vous avez eues. Ça n'existe pas, celui-là. Le coup du menhir, il n'existe pas. Ça devrait. Non, mais c'est pas une BD. Bon, il me faut une réponse, les petits, là. Je sais pas, la zizanie. C'est un voilà, c'est quoi le thème ? Le Tour de Gaulle. C'est faire le tour, le thème de truc en fait. Ah, bah, le Tour de Gaulle. Ouais, ah voilà. Non, c'est trop facile. Mais non, ça fait trop longtemps. Ils ont dit la zizanie, c'est faux. Ah oui. Ok. Parce qu'on savait pas, de toute façon. Dans quelle ville se déroule la Self-Transcendence Race ? Je sais pas, tout. Course à pied la plus longue du monde qui consiste à parcourir 5649 fois le tour du même parc, du même quartier en fait. Ouais, mais il y a des gens qui sont débiles quand même. Sur 52 jours. C'est-à-dire, sur 52 jours, tu dois faire 5649 fois le tour et c'est celui qui le fait le plus rapidement qui gagne. Bah, en fait, j'ai pas vraiment bien compris. Dans quelle ville se déroule la Self-Transcendence Race ? Course à pied la plus longue du monde qui consiste à parcourir 5649 fois le tour d'un même quartier sur 52 jours, ce qui correspond à 4989 km. New York. Bonne réponse. J'allais dire New York aussi. Bien joué. C'est la centrale cohésion d'équipe. Non, c'est un quartier dans New York. C'est zéro quoi. Dans le Bronx. La Cisanie, je parle. Quel auteur américain a écrit La Corniche, nouvelle faisant partie du recueil Danse Macabre, où le personnage principal doit faire le tour de son appartement du 43e étage par une corniche large de 15 cm pas facile. Pour éviter la prison. Stephen King. C'est Stephen King, ouais. Oh là là, tu me racontes. Et enfin, quel parti politique dont les initiales sont PFT, c'est un indice, a été créé par l'artiste Gaspard Delanoë au sort du premier tour de l'élection présidentielle de 2002 et allant jusqu'à finir devant le FN dans le 10e arrondissement de Paris lors des élections municipales de 2008. Bah, quel parti politique c'est appelé le PFT ? Oui. Oui, c'est voilà. PFT. C'est... Oui, très bien. Donc ça fait Le parti Français Tour. C'est bien, il se rappelle qu'il y a un thème déjà. Le parti des flotteurs et troubles. Oui, mais là, ça n'a rien à voir avec le thème. Il y a Frontis dedans. Ah ouais, c'est vrai, j'ai un tour. Il y a Tours dedans. Non, je sais pas, non. Putain. La Fédération Française. Je sais pas. C'était le parti faire un tour. Voilà. Ah, parti. J'aime beaucoup. Je me sens flou. Mais des lunettes. Ok. Faire le tour. Putain. Entre 1999 et 2000, Mike Horn a réalisé le tour du monde par l'Équateur sans engin motorisé. Ce qui voilà, point. Au milieu de kilomètres près. Attends, mais c'est à nous là ? Oui. Ah bah tu peux répéter du coup. Entre 1999 et 2000, Mike Horn a réalisé le tour du monde par l'Équateur, oui, sans engin motorisé. Au milieu de kilomètres près, quelle distance a-t-il parcouru ? Pas au milieu de kilomètres près, putain. Arrondi au milieu de kilomètres, quelle distance a-t-il parcouru ? Ah, non, il faut pas qu'on se concerte. Hein. Allez-y, concertez-vous. Bah, je dirais un truc genre 65 000. Ça me paraît bien, quoi. Bah ouais. Un truc comme ça. Mais de toute façon, on a très peu de chance d'avoir. Oui, là, c'est un peu coup de bol, quoi. Vas-y. 65 000. Non, 40 000 km. Mmh. Ah, ouais, non. Mais... C'était pas ridicule, quoi. Ah, mais oui, mais. C'est le tour de la Terre par les Mais moi, je sais pas, je voyais ça en voile, donc pas je me disais. Non, il y a vraiment. Ah, mais l'Équateur, oui, c'est 40 000. Voilà. Ah, oui, parce qu'il a vraiment. S'il a fait des détours de 25 000 km, ça fait quand même pas mal de détours. Hein. Bah, non, mais en même temps, si tu dois naviguer le continent. Bah, non, mais lui, il a tout droit. Oui, mais tu pouvais pas forcément suivre l'Équateur à la voile, quoi. Sinon, je savais 40 000, mais c'est bien fait, nickel. Quel navigateur a dirigé le premier tour du monde en bateau, voyage durant lequel il a été tué ? Quel navigateur, redis ? Quel navigateur a dirigé le premier tour du monde en bateau, voyage durant lequel il a été tué ? Marco Polo. Non, c'était Magellan. Yes ! Bien joué ! Bien joué, on n'a pas de points. Dans le livre de Jules Verne, Le tour du monde en 80 jours, combien de temps le voyage a-t-il réellement duré ? Ah, il y avait une histoire où... il y avait un changement d'heure, une histoire de changement d'heure. C'est ça, il y a une histoire de changement d'heure. C'est pas tu fais ça avec tes lunettes. Je te demande combien de temps le voyage a réellement duré. Donc une histoire de changement d'heure, c'est pas une réponse. Ah, mais vas-y, prends-en. En fait, il avait parié qu'il devait arriver en 80 jours. Et en fait, il lui est arrivé à 80 jours à 1 heure. Mais vu qu'il y avait eu un changement d'heure, ça... Un truc comme ça. C'est un truc comme ça. C'est ensuite le raisonnement. Moi, j'ai vu le film avec Jackie Chan, j'en sais rien. Il n'y a qu'à dire 80 jours. C'est bien 80 jours, c'est bien. Je sens la question piège, en fait. C'est une fois une... Combien de temps ça a duré ? Ah oui, donc il faut dire 80 jours et 1 heure. Bon. 80 jours et 1 heure. Non, c'est 81 jours en fait. Non, non. Il y a bien l'histoire de. On va se faire tout de suite. Voilà. Il a fait le tour du monde vers l'est, donc du coup il a gagné un jour en fait. Ah putain. Au fur et à mesure qu'il reculait dans les fuseaux horaires. Ouais, mais Jackie Chan il a pas expliqué ça lui. Ah, mais il tuait des gens. Du coup, il tuait des gens ? Non. Très grande série Jackie Chan, ça manque beaucoup d'ailleurs. Je n'ai pas fini. Putain. Allez-y, Lucky. Le petit jeu avec les talismans, putain, c'est trop bien. Okay. La main noire. Quel projet est en train de tenter le premier. Enfin, c'est pas un projet qui tente lui-même, hein, mais bon, c'est voilà, vous avez compris. Okay. Est en train de tenter le premier tour du monde sans avec escale en avion sans émission de CO2. Quel est le nom du projet ? Oh, ah, putain, un projet pour le premier tour du monde avec escale en avion sans émission de CO2. Putain, comment il s'appelle ce truc? Je l'ai vu plein de fois, c'est Yann Arthus Bertrand Project. Je vais embêter avec lui. Ah, projet Earth, un truc comme ça, c'est bien ça. Projet gentil, c'est ça? Projet gentil. Projet LC Earth. Je retrouverai pas. Non, projet Earth. Projet Earth. Non, c'était Solar Impulse. Voilà, putain. Ah oui, Solar Impulse. Et enfin, au jour près, en combien de temps la Lune fait-elle le tour de la Terre? Enfin, pas au jour près. Arrondi à oui. Au jour, voilà. Le tu devrais pas ces questions. Ah, ouais. 28. Ouf, il balance ça comme ça. Et 28, après, il prend une petite pause. Sortez cool, Ben. Ça m'a l'air bien. Si tu rajoutes 2, 28. C'est 27. Ah, bah, c'est bon. Non, justement, non, je veux dire en arrondissant au jour le plus proche. Ah ouais, mais attends. Non, j'ai refait ma question juste après. Commence pas. On était en train de réfléchir. Grosse manche, puisque Adèle et Desmarillo ont marqué un point, Alexis et Aurélien ont marqué un point, et vous n'avez pas marqué de point. Donc, Adèle et Desmarillo 17. Ouais. Alexis et Aurélien 25. Et Bilal et Clément 28. En fait, t'as mis toutes les questions compliquées dans celui-là. Ah bah oui, parce que nous, c'est super simple. Donc maintenant, c'est la dernière manche, un chiffre des questions. C'est donc des questions qui sont toutes en relation avec un chiffre. Là, aujourd'hui, c'est le chiffre 7. Je vous pose la question les uns après les autres. Quand vous répondez mal, si vous répondez mal, vous avez une chance d'être sauvé. Mais par contre, si vous répondez mal à la question pour vous sauver, vous êtes éliminé de chez éliminé. Du jeu. Voilà. Ok. Ah, du jeu ? Bah, c'est fini après, quoi. Non. Ok. Ok, ah non, vous avez compris. Donc c'est de plus en plus dur les questions, bien sûr. Parce qu'à un moment il faut briller, c'est là. C'est maintenant. Là. Parce que là vous avez 3 points de retard, vous, hein, donc c'est encore faisable. Vous, c'est un peu plus compliqué, mais on y croit. Je vois pas pourquoi je dis ça. Je sais pas si c'est le plus rapide. Non, c'est pas le plus rapide. Je pose une question à chaque équipe et quand vous répondez. Voilà. C'est donc, Adélaïde et Marilou. Quelle ville, aujourd'hui capitale de l'Italie, a été construite sur cette colline ? Rome Berlin. Bonne réponse. Non, c'est de plus en plus dur en fait. Ah, hein, voilà, c'est... Parce que... Alexis Aurélien. Quel pont du sud de la France est composé de 7 piles, dont 2 d'entre elles sont les plus hautes du monde pour un pont routier, avec une hauteur de 245 mètres et 221 mètres. Dis-moi que tu sais, s'il te plaît. Redis. Quel pont du sud de la France est composé de 7 piles, dont 2 d'entre elles sont les plus hautes du monde pour un pont routier avec des hauteurs de 245 mètres et 221 mètres. C'est le viaduc de Mie. Ouais. Bonne réponse. C'est le viaduc de mes couilles parce que je me souvenais. Je me souvenais plus de ce que c'était. Merci. C'était ça le pont d'Avignon alors. Bilal et Clément. Merci. Ouais, quel club de football détient le record de titres de champion de France consécutif avec 7 victoires? Oui. Ah, dis-moi le nom en entier. L'Olympique Lyonnais. Voilà. Peut-être, t'imagines, on serait tombé là-dessus. Ça fait pas que je suis vainqueur. Ah, si, j'aurais. Non, mais. Elle connaît Grégory Coupet quand même. Pourtant, vous êtes des filles. Adeline Marilou. Quel dirigeant est à l'origine de la construction des 7 sœurs de Moscou entre 1952 et 1955? Mais comment il s'appelait Staline? Non, quel dirigeant est à l'origine de la construction des 7 sœurs de Moscou entre 1952 et 1955? Tu vois ce que je dis? Non. À l'origine, il a dit. Oui, Staline. Bonne réponse. Oui, bonjour. La team couille là-bas. Quelle planète du système solaire est si volumineuse qu'elle pourrait contenir ses 7 voisines? Non. Bah... Merde, c'est quoi la plus grosse? Arrêtez de parler de Marie-Louise. Et c'est ma compagnonne qui me clash. Mais... Alors attends, il me semble que c'est... Mercure, c'est gros. Non, c'est... En plus... Non, c'est la plus petite, je pense. C'est déclaration. Mercure, c'est gros. C'est pas Saturne, c'est Jupiter. Bah Jupiter, c'est même plus une planète. Non, c'est plutôt une planète. Ouais. Le mec, il connaît tout. Ça me rappelle cette personne hier soir qui disait que Mars était plus proche du Soleil que la Terre. Ouais. Ouais. C'était qui? Ah, c'était parce qu'elle est toute brûlée. Oh, putain. Je vous sens. C'est mignon. Bah franchement, moi, tu sais qu'il y a un mémoire moyen mais autre truc. Elle est rouge. Tu l'as appris ou pas? Le voici tout mouillé. Quand l'animateur sera revenu. Dis-moi. Jupiter. C'est une bonne réponse. Yes. C'était quoi? Jupiter. Entre 1985 et 2003, quelle cérémonie récompensait la télévision française chaque année? Les 7 d'or. Bonne réponse. Ouais. Okay, combien y a-t-il de cartes dans un jeu dont le 7 est la plus petite valeur? Dans un jeu de cartes. Bonne réponse. Alexis Aurélien. Oui. Quel élément chimique majoritaire dans la composition de l'air sur Terre a pour numéro atomique le 7? Quel élément chimique majoritaire dans la composition de l'air sur Terre a pour numéro atomique le 7? S'il y a un piège à chaque fois, les gens ils font l'oxygène. Mais voilà. C'est l'eau, H2O. Oh putain! Oh putain! Non, putain! Non. Allez, il va se tuer là! J'ai l'impression qu'il va pleurer. C'est difficile! Ah, putain, c'est difficile. Alors. Ah, je sais! Attends, quel élément chimique majoritaire dans la composition de l'air sur Terre a pour numéro atomique le 7? Ouais. C'est l'azote. Il y a plein de dioxyde de carbone dans l'atmosphère. Je vais te buter. Et je crois vraiment que c'est l'azote. Et après, c'est le dioxyde de carbone. Si, il y a plein d'azote, justement, parce qu'on ne peut pas vraiment respirer. Non. L'air n'est pas fait pour nous, comme le dit Interstellar. C'est l'azote. Bonne réponse. Yes! Mais putain! Ouais. Le numéro atomique, c'est le petit dioxyde de carbone. Si c'était le dioxyde de carbone, le majoritaire sur Terre, on se sentirait peut-être un peu moins bien quand même. C'est un peu mort, en fait, je pense. Bilal Clément. Sur quelle antenne Patrick Cohen présente-t-il le 7-9 depuis 2010? Alors, il me semble que c'est France Inter, non? C'est pas France Inter? Il me semble que c'est France Inter. France Inter! Bonne réponse! Ouais, c'est Adélaïde Marilou. Quelle est la seule des 7 merveilles du monde à encore exister aujourd'hui? Marilou! Oh! C'était ça ou Malit? La merveille d'Égypte? Tu veux pas. C'est Alexis, il est mort de rire! Les pyramides! Les pyramides d'Égypte! Pourquoi tu me regardes comme ça? Ah, faut que je dise le nom de la pyramide déguisée? C'est une pyramide, mais moi, je peux pas accepter les pyramides d'Égypte. Oui. C'est une pyramide. Bah, donc je vous laisse réfléchir, dites-moi. Mais... Pyramide de Khéops. Oui. Je sais pas. Mais c'est méchant parce qu'on a dit pyramide. La pyramide de Khéops. Bonne réponse. Yes, bien joué. Ouh. C'était chaud là. Je suis impressionné, les gens ils savent des trucs. Alexis Aurélien. Comment appelle-t-on un polygone à 7 côtés? Un polygone. Un polygone, il y a 8 côtés déjà. Non. Non, mais non. Comment ce mec a plus de diplômes que moi? Ça m'énerve. Je suis un peu adam, s'il te plaît. Répétition des questions. Comment appelle-t-on un polygone à 7 côtés? À sexagone. J'en sais rien. Si, c'est ça, je pense. C'est un tennis des supporters. Putain. Je t'en serais chercher un truc, bien joué. Non, t'as pas, c'est pas un sexagone. Il y a hexagone. C'était une blague. C'est sexagone. C'était une blague, arrête. C'est un nom compliqué. Est-ce que tu penses que je peux le savoir? Oui. Ouais. Tu oui. Surestimes, du coup. Attends, il y a sept côtés. C'est la logique, quoi. Oui. Un septagone. C'est la logique. Un septagone. Allez, vas-y, alors, dis ce que tu veux. Je m'en fous. Un sélagone. Non, non, un truc un peu plus intelligent. Le septagone, il me semblait pas mal, tu vois. Le septagone? Alors, à l'athlétisme, quand il y a une épreuve avec sept. Un truc avec sept épreuves, ça s'appelle un. Ok. C'est un heptagone. Mais vous avez une question salvatrice. Ah, ouais, ça va. Je vais vous donner trois thèmes, vous choisissez entre ces. Enfin, trois mots, et vous choisissez entre ces trois mots. Il y a trône, couronne et sacre. Alors, sacre. Ouais, vous allez aimer les deux. En quelle année Raphaël Nadal a-t-il remporté son 7ème Roland Garros, battant ainsi le record de Björn Borg sur l'Air Open? Eh bah, j'irai 2013. 2013? Vous êtes éliminé. Ah, dommage, tant pis. 2012. Pourquoi sacre? Bah, je voulais un refond. Ah oui. Bilal Clément. Oui? Quelles sont les 7 couleurs de l'arc-en-ciel? Putain. Alors. Attends, on se concerte. Allez. Alors. Rouge. Rouge. Orange. Orange. Jaune. Orange. Ouais. Ouais. Il y a alors, pas rouge, vert. Ça, c'est faut le faire dans l'ordre. En fait. Non, jaune, c'est indigo. Si, rouge, vert, bleu, jaune, indigo. Il y a du violet, il y a du bleu. Ah oui, j'ai pas de bleu. Rouge, vert, jaune, indigo, c'est violet. Quoi. Fuchsia. Ouais, d'accord. Taupe. Taupe. Saumon. Il y a du rouge. Cyan. On n'a pas le droit à un prêt. Non, non. Mais non, mais les couleurs, enfin. Bah, allez, allez. Bon, allez, rouge, allez. Vert, bleu, jaune, indigo. Alors, jour, vert. Rouge, vert, bleu, jaune, indigo. Ouais. Il m'en manque donc deux. Mais indigo, c'est vrai? Oui, indigo, c'est. Ça se trouve, c'était Game of Thrones. Bah, orange. Ouais, moi aussi, j'ai pensé à ça. Orange, oui, il en manque une. Je suis sûr qu'en plus, la question. Il est trop mal. Je suis pas pour l'appeler indigo, moi. Bah, si, c'est pas de la liste. Non, c'est bon, ça a déjà été dit. Bah, c'est bon. Et là, pour l'instant, il y a rouge, orange, jaune, vert, bleu, indigo. Je crois qu'il y a deux bleus. Il y a indigo, c'est pas du bleu, juste. Il y a du bleu marine. Ouais, indigo, c'est du bleu, quoi. Marine, c'est pas politique, s'il vous plaît. Bleu marine, vite. C'est du bleu marine, justement. Non, c'est violet, indigo. Alors soit rose, ce que je crois, soit bleu rose. Foncé. Bleu foncé. Allez, une réponse. Est-ce que tu... Allez, je... il y a cyan. Ouais, mais... je dirais bleu ciel. Mais du coup, on le voit pas dans le ciel. Oh, oh. Allez. C'est non. Allez. Je sais pas pourquoi, pourquoi je vois du rose dans la... Quand c'est... C'est parce que t'es ça, je vais couper. Parce que ça, je vais regarder. Je trouvais ça très bien placé. Rose. Non, c'était violet. Ah non, c'était sérieux. Ouais, dis-moi, c'est pas violet. Oui, putain, je l'avais dit, bordel. Attends, attends, on peut revenir. Question salvatrice. On va revenir, on va revenir. Trône ou couronne? Là, je te laisse choisir, parce que j'ai fait une petite erreur. Voilà, je suis conscient de mon erreur. Vas-y, tu choisis. Je suis pas à trône. Dans la saga de roman Le Trône de Fer. Oh non, c'est scandaleux. T'es vraiment un enculé, mec. Quel, toi aussi. Quel peuple a importé sur Westeros la religion des sept? Ok, bah c'est... Façon, je sais pas. Ouais, bah du coup, je sais pas. Je pense qu'on est éliminé. attends. Non, là, je sais pas. J'aime bien poser des questions, je comprends rien du tout dans la merde. Comment ils s'appellent? Les lutins. Les prochains. Gimli. Les Maris, c'est quoi? Ouais, moi aussi, je pense à eux. Voilà. Les indigos. Mais moi je sais. Je sais. J'ai pas idée. Les Maris, c'est. Moi je regarde pas. Le mec a une Maris. Putain, on va pas laisser d'accord. La victoire aux si deux mots. Ah, bah, ah non, mais après, il faut, qu'elle, faut quand même qu'elles enchaînent. Non, non, mais je t'emmerde. Pas mal de non, questions. Huit bonnes réponses. Les Targaryens. Les Targaryens. Non, c'est les Sandales. Non, les Andales. Les Sandales. Non, les Andales. Ah oui, les Sandales. Sandales, c'était petit. Tu penses à ça? Ah oui, les Andales. Non, pas les Andales. Donc, les filles. Concrètement. On finit ce deuxième en moins. Est-ce qu'on peut me compter double? Ah merde, j'avais un peu... oui, non, j'ai un peu surestimé. Il vous faut 11 bonnes réponses pour gagner. Bah, oui, pour gagner, mais pour finir deuxième. Pour finir deuxième, bah, il vous faut 8 bonnes réponses. Ah ouais, c'est trop. C'est beaucoup trop. Mais sachez que vous avez encore le droit d'être salvatrice pour continuer à marquer des points. Il y a plus de chance. Enfin, la dernière qui reste, quoi. Il y a plus de chance. Quelle note de musique est apparue 5 siècles après les 6 premières? Voilà. Allez. Donc 2 vainqueurs. Une chance sur 7. Sol. Le sol. Ça n'a aucun sens. En fait, elle se souvient pas des deux autres. Même si c'est ça. Mi, fa, sol, la, si. C'est le seul. Celle-ci. Ah, si elle fait dans l'ordre, on va l'époque. Bah, ou alors c'est la dernière. Bah, celle-ci. C'est celle-ci ? Non, non, non, non, non, mais attends. La dernière, c'est la 7ème. Mais le c'était une astuce. Non, elle est lusse. Elles sont peut-être plus dans l'ordre de hauteur, tu vois. Oui, c'est ça. Bah, du coup, c'était. Oui, mais non, mais. Parce qu'elle était tirée, c'est la dernière. Oui, mais je sais même pas l'ordre des. Do. Si. Du coup, logiquement, je m'intéresse. Tu réponds. Tu réponds. Allez. Bon, on dit si. Bonne réponse. C'est vrai ? Oui. Wow, j'ai failli vous insulter. Bien joué. Quel groupe de pop anglais a été créé pour faire une série télévisée entre 1999 et 2003, chantant notamment Bring It All Back ? C'est un truc en rapport avec 7 ? Ah, parce qu'ils sont 7 ? Oh, c'est quoi ? Oh, Yes Club 7 ! Oh là là. Il le met tout le temps à l'appartement. Ah merde, j'aurais pas dû. Ouais, j'assume, j'assume. Ça, ça, ça. Bonne réponse. Ah, bien joué. Ouais. Vous êtes à 5 points des deux rigolos là. C'est une question de plus en plus dure là. Ouais. Ah, mais si, t'as déjà entendu. Mais laissez-moi tranquille. Non, c'est super facile. Quel groupe a composé Seven Nation Army, devenu hymne beauf depuis ? Bonne réponse. C'est quoi ces questions faciles ? Mais c'est clair. Bah, Alexis, tu sais. Devenu hymne beauf depuis. Comment ça, hymne beauf ? Effectivement, c'est ce qu'il disait. Vous êtes donc, il y a 5 questions. On l'a pas entendu d'ailleurs, elle a percé hier. Non. Si. Non, il y avait des gros si, beaufs qui chantaient. Beaufs qui ouais, la cousine, tout ça. Mais... Ouais, mais il y avait aussi ça. Putain, elle est bien cette chanson. Ouais. Ah, là, ça vient. Elle est bien. Adélaïde Marilou. Oui. Quel sport se jouant à 7 va devenir olympique à l'occasion des Jeux de Rio ? Oh la... C'est ah, bon, oui. Pas vraiment. Ah, oui, c'est facile, putain. Oui, c'est ça. Bon, du le rugby, ouais. Mais non, c'était pas ça. Ah, préciser, c'est bon. C'est le rugby à 7. Voilà, ben, en fait, c'est un putsch. Tu fous de notre gueule, franchement. Bah là. Je pensais que c'était le 5 à 7. Ah, là, on va voir. Là, on va voir, c'est de la culture, là. Oh, non, du siècle. Qui a réalisé. Qui a réalisé. Le jeu de cette famille. Qui a réalisé le film Seven, sorti en 1995. Oh. Où deux officiers de police sont chargés d'enquêter sur une série d'homicides basée sur les 7 péchés capitaux. Je t'ai posé la question. Ouais, c'est scandaleux, mais. C'est. C'est ça, tu. Ah putain. Très bonne réponse de Marilou. Non, mais c'est. Ouais. Vous êtes à 2 points d'Alexis. 3 points, attends. 17, 22, 23, 24, 25. Ouais, vous êtes à 3 points, merci. Oh merde, oh là là, je te conseille de mal répondre. C'est scandaleux quand même. Ouais. Quel mois, ce qui est en train de se passer. Quel mois était à l'origine le 7ème mois de l'année dans le calendrier romain ? Bah attends, le nom, bah, c'est le nom. Là ça va les calmer tout de suite. Oh, ouais. Les noms des mois. Le calendrier romain, Julius. Ah, elle dit Julius. Ouais. Voilà. Du coup, c'est pas ça. On passe à la question trop. Ah, il a peur, regarde Clément, il a trop peur. Septembre. Je vais gagner, oui. Oh, c'est pas con. Comme raisonnement. C'est septembre. Aussi. Bonne réponse. Oh, elle est trop fort. Putain, mais elle a fait pour le présentateur. Est-ce que tu mets en bouche, Marie? Un bisou à la famille de Marilou qui nous écoute. Ça commence à dévisser. Moi, je vais trop laisser ça. Quel département français porte le numéro 7 ? Oh non ! Ah, ça rigole moins là ! L'Auvergne ! L'Ardèche ? Je crois que c'est l'Ardèche ! Notre gueule, t'as mais... une question sur quoi on s'est fait là, les arcs-en-ciel, vous êtes fait niquer les gars, c'est quand même. On a dû leur donner 7 réponses d'arc-en-ciel. Vous avez 6 points en plus. Vous avez peur là vraiment ? On a une question de repli. C'est l'Ardèche ? Très bonne réponse. Mais Marie, t'es en train. Attention, pour égaliser Alexis Aurélien. Et en plus, on a encore une question. Si on se plante là, ça va m'énerver. C'est scandaleux. En 2009, dans quel pays une émission pendant laquelle on voit le trajet ferroviaire de la ville de Bergen durant 7 heures a-t-elle été diffusée ? Ah, c'est bon, le son. Bah, l'Allemagne ? Attends, non. Bah non, attends, parce que Bergen. Attends, tu peux répéter ? En 2009, dans quel pays une émission pendant laquelle on voit le trajet ferroviaire de la ligne de Bergen pendant 7 heures a-t-elle été diffusée ? Ça devait être bien chiant, quand même. Dans quel pays ? Ça s'appelle la Slow TV. De toute façon, tu veux dire. Bah, moi, je dirais l'Allemagne, parce qu'on n'a pas d'entrée. Enfin, c'est alors... ça, c'est de la merde. Non, c'est pas ça. Bah, c'est ce aussi. Je sais, la réponse. Waouh! Mais tu connais pas les couleurs d'arc-en-ciel? Je viens de leur dire que c'était pas l'Allemagne, mais c'était parti de ce jeu. Non, mais j'en sais rien, ouais. Mais en même temps, ça. Ouais. Bon, l'Allemagne? Bon. L'Allemagne. Mauvaise réponse. Ouais, c'est Suède, putain, voilà. C'est la Norvège. Norvège. Oh, question salvatrice tout de même. Oh non. Ah yes. Couronne! Ah, on a un point si on répond à la question salvatrice. Non, par contre, vous avez le droit de répondre à la prochaine question. Et ça recommence, vous devez redonner 11 bonnes réponses. Couronne donc. Que représentent les 7 rayons de la couronne de la Statue de la Liberté? Que ça représentent les 7 rayons de la couronne de la Statue de la Liberté? Facile. Ça, c'est facile. Ça, c'est très facile. Les États... C'est les 7 pays européens ou qu'à l'époque les États? Oui, bien sûr. Mais c'est un cadeau de la France. Ah oui, l'Union Européenne de 1890. Non, mais... Ah merde, ah oui. Avec l'Autriche-Hongrie. Ouais, ça se tient. Merci, Lulule. Je sais pas, les 7 États... Les 7 États... La défaite. La le seum. Vous perdez, s'il vous plaît. Tu sais pas, toi non plus, vous savez pas. Ah, ou les 7 péchés capitaux. Ouais. Je cherche qu'un en 7. Si c'était ça, je me tuais. Quoi. Mais les 7 états indépendants, je sais pas quoi, là, contre l'esclavage. Ouais. C'était 13. La vente des parties d'histoire, elle. Ouais. Les états. Les États, non. C'est les 7 continents. Pouh. Amérique du Nord, Amérique du Sud, Europe, Afrique, Asie, Océanie, Antarctique. Ah, allez, hein, tu dis quoi maintenant, hein? Allez. Bah, de toute façon, la question d'après, c'était que se passa-t-il à Reims le 7 mai 1945? Bah, on le sait. Bah, le si, la le massacre de je sais pas quoi, non? Oui, en 45. En 45. C'est l'armistice. L'armistice. Qui, en fait, elle a été signée le 7 mai, et les Russes n'étaient pas là, ils n'étaient pas contents, donc ils l'ont signée lui-même. Voilà, donc on a. Mais du coup, est-ce qu'on peut rappeler les vainqueurs? Qui a gagné, ouais. J'y arrivais. Juste pour savoir. Hein, troisième, donc, avec un très beau retour, mais ça ne suffira pas. Ah, c'est vrai, vous avec 27 points, Adélaïde et Marilou. Deuxième avec. Le gros silence après. Allez, applaudissez, bravo. Ouais. Bravo. Oui. Ah, merci, merci. Ouh là là là là. Ouh, quel bon été, quoi. Que c'était bien joué. Deuxième avec 28 points, Alexis et Aurélien. Ah. Et surtout Aurélien. Et oh, oh, oh, le regard. Non, t'as fait des très bonnes vannes. Je suis défaitiste. Ou défait. Et la victoire donc avec 31 points. À 31 quand même. Hein. Qui avait déjà gagné la première émission. À 3 points. Ouais. Bilal et Clément. Bien joué. Bravo. On était clairement les meilleurs sur le plateau. Un petit mot pour la fin, pour la victoire. Moi j'étais venu pour gagner, donc voilà. C'est... Ça fait beaucoup de mots. Riette. Merci. Tu veux dire. Par contre, tu m'avais promis un mariage avec ta cousine. Oui, et bah, je te la présente. Mais là, elle avait à la garderie, je vais la chercher. Ah, ok. On va y aller. Il n'y en a pas une plus grande. Non, mais non, excuse-moi. Bon, d'accord. Mon père était très garçon au début. En fait, t'as vraiment envie de te barrer à continuer. C'est juste que maman était gênant. Non. Non, pas plus. On est dans le Jura, on vend des meufs, je vois pas le problème. On vend des meufs. Attends, là, je regarde où. Oui, elle est finie. Hein. Bah, je sais pas, tu veux. Voilà. Bon, on va dire au revoir aux gens, parce qu'ils ont certainement des bonnes choses à faire. Merci de nous avoir écoutés. Ouais, c'était sympa de nous avoir écoutés, franchement, merci. En espérant que vous avez appris des trucs inutiles. On a enregistré. Ça a duré combien de temps? Je sais pas. Nous sommes à 1h36, mais. Ouais, mais ça va faire une heure, quoi. Hein? Avec mon petit réalisateur. Je remercie d'ailleurs Bilal qui a réalisé. Merci Bilal. Merci Bilal. Merci aussi l'ingé son. L'ingé son pour la lumière. C'est très bon, ça, c'est très bon. Voilà, et bah, on se retrouve dans un mois pour une troisième des émissions. Tu reviens? Bien sûr. Bah, bien sûr. Bah, je reviens tout le temps. Moi. Allez, pour la des émissions, je reviens. Moi, je suis là. Allez. Moi aussi, je suis là. Ah, bah voilà, bah, vous serez tous là, pas Clément, parce qu'il. Mais ça tombe bien, il est trop. Ça dépend si tu payes les frais de déplacement. Ouais, bah déjà qu'ils me font chier parce qu'ils ont payé le train parce qu'ils sont restés plus longtemps. Moi, depuis 1000 ans. Voilà, donc envoyez vos dons pour payer le billet de train. Ça fait 1000 ans. Depuis 1000 ans. T'habites à Milan, mon anniversaire. Allez. Antoine, non. Non, mais au pire, on s'en fout, on peut finir l'émission. Et puis après, on vous dit voilà. Salut. Donc merci à tous et puis gardez la pêche. Aïe. Et n'avalez pas le noyau. Oh, c'est génial.